La radiodiffusion française vous présente maintenant une matinée classique avec le concours de la troupe de la Comédie française. Vous allez entendre « Les fâcheux », comédie en trois actes de Molière, et « La métromanie », comédie en cinq actes en vers de Piron, sous la direction artistique de Jacques Régnier. Voici la lettre écrite par Molière à Louis XIV et qui servira en quelque sorte de préface aux fâcheux. Au roi, si j'ajoute une scène à la comédie, et c'est une espèce de fâcheuse assez insupportable qu'un homme qui dédie un livre. Votre Majesté en sait des nouvelles plus que personne de son royaume, et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'elle se voit en but à la furie des épîtres dédicatoires, mais bien que je suive l'exemple des autres et me mette moi-même au rang de ceux que j'ai joués, j'ose dire toutefois à votre Majesté que ce que j'en ai fait n'est pas tant pour lui présenter un livre que pour avoir lieu de lui rendre grâce du succès de cette comédie. Je le dois, sire, ce succès qui a passé mon attente, non seulement à cette glorieuse approbation dont votre Majesté honora d'abord la pièce et qui a entraîné si hautement celle de tout le monde, mais encore à l'ordre qu'elle me donna d'y ajouter un caractère de fâcheux dont elle eut la bonté de m'ouvrir les idées elle-même et qui a été trouvé partout le plus beau morceau de l'ouvrage. Ceux qui sont nés en un rang élevé peuvent se proposer l'honneur de servir votre Majesté dans les grands emplois, mais pour moi, toute la gloire où je puis aspirer, c'est de la réjouir. Je borne là l'ambition de mes souhaits, et je crois qu'en quelque façon, ce n'est pas être inutile à la France que de contribuer quelque chose au divertissement de son roi. Quand je n'y réussirai pas, ce ne sera jamais par un défaut de zèle ni d'étude, mais seulement par un mauvais destin qui suit assez souvent les meilleures intentions et qui sans doute affligerait sensiblement. Si, de votre Majesté, le très humble, très obéissant et très fidèle serviteur et sujet, Molière. Sous quel astre, bon Dieu, faut-il que je sois né pour être de fâcheux toujours assassinés? Il semble que partout le sort me les adresse. Et j'en vois chaque jour quelque nouvelle espèce. Mais il n'est rien d'égal au fâcheux d'aujourd'hui. J'ai cru n'être jamais débarrassé de lui. Et j'ai 100 fois maudit cette innocente envie qui m'a pris à dîner de voir la comédie. Où, pensant m'égayer, j'ai misérablement trouvé de mes péchés le rude châtiment. Il faut que je te fasse un récit de l'affaire, car je m'en sens encore tout ému de colère. J'étais sur le théâtre, en humeur d'écouter la pièce qu'à plusieurs j'avais ouïventée. Les acteurs commençaient, chacun prêtait silence, lorsque, d'un air bruyant et plein d'extravagance, un homme à grand canon est entré brusquement en criant « Oh là, oh ! Un piège, promptement !» et de son grand fracas surprenant l'assemblée dans le plus bel endroit à la pièce troublée. Eh mon Dieu, nos Français si souvent redressés ne prendront-ils jamais un air de gens sensés, je dis. Et faut-il, sur nos défauts extrêmes, qu'en théâtre public nous nous jouions nous-mêmes et confirmions ainsi par des éclats de fou ce que, chez nos voisins, on dit partout de nous? Tandis que là-dessus, je haussais les épaules, les acteurs ont voulu continuer leur rôle, mais l'homme, pour s'asseoir, a fait nouveau fracas. Et traversant encore le théâtre à grands pas, bien que dans les côtés il pût être à son aise, au milieu du devant, il a planté sa chaise. Et de son large dos, morguant les spectateurs, aux trois quarts du parterre, a caché les acteurs. Un bruit s'est élevé, dont un autre eut honte. Mais lui, ferme et constant, n'en a fait aucun compte. Et se serait tenu comme il s'était posé si, pour mon infortune, il ne m'eût avisé. « Oh, Marquis !» m'a-t-il dit, prenant près de moi place. « Comment te portes-tu? Souffre que je t'embrasse. » Au visage, sur l'heure, un rouge n'est monté que l'on me dit connu de Paris vanté. Je l'étais peu, pourtant, mais on en voit paraître de ces gens qui de rien veulent fort vous connaître, dont il faut au salut les baisers essuyés qui sont familiers jusqu'à vous tutoyer. Il m'a fait à l'abord sans question frivole, plus haut que les acteurs et devant ses paroles. Chacun le maudissait, et moi, pour l'arrêter, je serais-je dit, bien aise d'écouter. Tu n'as point vu ceci, Marquis, adieu, me dame. Je le trouve assez drôle et je n'y suis pas âne. Je sais par quelle loi un ouvrage est parfait. Et Corneille me vient lire tout ce qu'il fait. Là-dessus de la pièce, il m'a fait un sommaire, scène à scène, averti de ce qu'il savait faire. Et jusque à des vers qu'il en savait par cœur, il me les récitait, tout, avant l'acteur. J'avais voulu m'en défendre. Il a poussé sa chance, et c'est de vers la fin lever longtemps d'avance, car les gens du bel air, pour agir galamment, se gardent bien surtout d'ouïr le dénouement. Je rendais grâce au ciel et croyais de justice qu'avec la comédie fini mon supplice. Mais, comme si c'en eût été trop bon marché, sur nouveau frais, mon homme à moi s'est attaché, m'a conté ses exploits, ses vertus non communes, parlé de ses chevaux, de ses bonnes fortunes, et de ce qu'à la cour il avait de faveur, disant qu'à m'y servir, il s'offrait de grand cœur. Je le remerciais doucement de la tête, minutant à tout coup quelques retraites honnêtes, mais lui, pour le quitter, me voyant ébranlé, sortons, se m'a-t-il dit, le monde est écoulé. Et sorti de ce lieu, me la donnant pour sèche, marquis, allons au cours faire voir ma calèche, elle est bien entendue. Et plus d'un duc et père, en fait, à mon faiseur, faire une du même air. Moi, de lui rendre grâce, et pour mieux m'en défendre, de dire que j'avais certains repas à prendre. Oh, parbleu, j'en veux être, étant de tes amis, aimant qu'au maréchal à qui j'avais promis. De leur chair, ai-je dit, la dose est trop forte pour oser y prier des gens de votre sort. Non, m'a-t-il répondu, je suis en compliment, et je vais pour causer avec toi seulement. Je suis des grands repas fatigués, je te jure. Mais si l'on vous attend, ai-je dit, c'est injure. Tu te moques, Martin, nous connaissons tous. Et je trouve avec toi des passe-temps plus doux. Je pestais contre moi, l'âme triste et confuse, du funeste succès qu'avait eu mon excuse, et ne savais à quoi je devais recourir pour sortir d'une peine à me faire mourir, lorsqu'un carrosse, c'est une superbe manière, et comblé de laquais devant et derrière, c'est avec un grand bruit devant nous arrêter. D'où sautant un jeune homme amplement ajusté, mon important et lui, courant à l'embrassade, ont surpris les passants de leur brusque incartade. Et tandis que tous deux étaient précipités dans les convulsions de leur civilité, je me suis doucement esquivé. Sans rien dire, non, sans avoir longtemps, j'ai mis d'un tel martyr et maudit ce fâcheux dont le zèle obstiné m'ôtait au rendez-vous qui m'est ici donné. Ce sont chagrins mêlés au plaisir de la vie. Tout ne va pas, monsieur, au gré de notre envie. Le ciel veut qu'ici-bas chacun ait ses fâcheux, et les hommes sans cela seraient trop heureux. Mais de tous ces fâcheux, le plus fâcheux encore, c'est Damis, le tuteur de celle que j'adore, qui rompt ce qu'à mes voeux elle donne l'espoir, et malgré ses bontés, lui défend de me voir. Je crains d'avoir déjà passé l'heure promise, et c'est dans cette allée où t'étais trop fini. L'heure d'un rendez-vous d'ordinaire, c'est temps, on n'est pas retiré au bord de Damascus. Non, frère. Mais je tremble et mon amour extrême de rien se fait un crime envers celle que j'aime. Si ce parfait amour que vous prouvez si bien se fait vers votre objet un grand crime de rien, ce que son cœur pour vous sent de feu légitime, en revanche, lui fait un rien de tous vos crimes. Mais tout de bon, crois-tu que je sois d'elle aimé? Quoi? Vous doutez encore d'un amour confirmé? Ah, c'est malaisément qu'en pareille matière, un cœur bien enflammé prend assurance entière. Il craint de se flatter. Et dans ses divers soins, ce que plus il souhaite et ce qu'il croit le moins. Mais songeons à trouver une beauté si rare. Monsieur, votre rabat par devant se sépare. N'importe. Laissez-moi l'ajuster, s'il vous plaît. Ouf, tu m'étrangles, Fat, laisse-le comme il est. Souffrez qu'on peigne un peu. Sottise sans pareil, tu m'as d'un coup de dent presque emporté l'oreille. Vos canons. Laisse-les, tu prends trop de soucis. Ils sont tous chiffonnés. Je veux qu'ils soient ainsi. Bah, accordez-moi du moins par grâce singulière de frotter ce chapeau qu'on voit plein de poussière. Frotte donc, puisqu'il faut que j'en passe par là. Le voulez-vous porter fait comme le voilà? Mon Dieu, dépêche-toi. Je serai conscience. C'est assez. Donnez-vous un peu de patience. Il me tue. En quel lieu vous êtes-vous fourré? T'es-tu de ce chapeau pour toujours en parer? C'est fait. Donne-moi donc. Aïe! Me voilà par terre. Je suis fort avancé. Que la fièvre te serre! Permettez qu'en deux coups, j'ôte. Il ne me plaît pas. Oh, diantre, tout valet qui vous est sur les bras, qui fatigue son maître, et ne fait que déplaire à force de vouloir trancher du nécessaire. Mais, vois-je pas Orphise? Oui! C'est elle qui vient. Où va-t-elle si vite? Et quel homme la tient? Quoi? Me voir en ce lieu devant elle paraître et passer en feignant de ne me pas connaître? Que croire? Qu'en dis-tu? Parle donc si tu veux. Monsieur, je ne dis rien de peur d'être fâcheux. Et c'est l'être, en effet, que de ne me rien dire dans les extrémités d'un si cruel martyr. Fais donc quelque réponse à mon cœur abattu, que dois-je présumer? Parle! Qu'en penses-tu? Dis-moi ton sentiment. Monsieur, je veux me taire, et ne désire point trancher du nécessaire. Peste l'impertinent! Va-t'en suivre leur pas. Vois ce qu'ils deviendront et ne les quitte pas. Et il faut suivre de loin? Oui. Sans que l'on me voie, ou faire aucun semblant qu'après eux on m'envoie? Non, tu feras bien mieux de leur donner avis que par mon ordre exprès, ils sont de toi suivis. Vous trouverez-je ici? Que le ciel te confonde, homme, à mon sentiment le plus fâcheux du monde! Oh, que je sens de trouble. Et qu'il m'eût été doux que l'on m'eût fait manquer ce fatal rendez-vous. Je pensais y trouver toute chose propice. Et mes yeux pour mon cœur y trouvent des supplices. Sous ces arbres de loin, mes yeux t'ont reconnu, cher marquis. Et d'abord, je suis à toi venu. Comme un de mes amis, il faut que je te chante certaines airs que j'ai fait de petites courantes, qui de toute la cour contentent les experts, et sur qui plus de 20 ont déjà fait des vers. J'ai le bien, la naissance, et quelque emploi passable, et fait figure en France assez considérable, mais je ne voudrais pas, pour tout ce que je suis, n'avoir point fait cet air qu'ici je te produis. La. Écoute avec soin, je te prie. N'est-elle pas belle? Ah! Cette fin est jolie. Comment la trouves-tu? Fort belle, assurément. Les pas que j'en ai faits n'ont pas moins d'agrément, et surtout la figure à merveilleuse grâce. La la la la, tiens, l'homme passe ainsi. La la la la la la, puis la femme repasse. La la la la la, ensemble. La la la, et puis on quitte, et la femme vient là. La la la la la, vois-tu ce petit trait de feinte que voilà. La la la la, l'air se fleurait. C'est coupé courant après la belle, dos à dos, face à face, en se pressant sur elle. Que t'en semble, marquis? Tous ces pas-là sont fins. Je me moque pour moi des maîtres balades. On le voit. Les pas dont? Non, rien qu'ils surprennent. Veux-tu par amitié que je te les apprenne? Pourquoi? Pour le présent, j'ai certain embarras. Eh bien donc, ce sera lorsque tu le voudras. Si j'avais dessus moi ces paroles nouvelles, nous les lirions ensemble et verrions les plus belles. Une autre fois. Adieu. Baptiste, le très cher, n'a point vu ma courante et je le vais chercher. Nous avons pour les airs de grandes sympathies et je veux le prier d'y faire des parties. Là. Ciel! Faut-il que le rang dont on veut tout couvrir de sens où tous les jours nous oblige à souffrir et nous fasse abaisser jusque aux complaisances d'applaudir bien souvent à leur impertinence? Monsieur, Orphise est seul et vient de ce côté. Ah, d'un trouble bien grand, je me sens agité. J'ai de l'amour encore pour la belle inhumaine et ma raison voudrait que j'eusse de la haine. Monsieur, votre raison ne sait ce qu'elle veut. Ni ce que sur un cœur une maîtresse peut, bien que de s'emporter on ait de juste cause, une belle d'un mot rajuste bien les choses. Hélas, je te l'avoue, et déjà cet aspect à toute ma colère imprime le respect. Votre front à mes yeux montre peu d'allégresse. Serait-ce ma présence, Eraste, qui vous blesse? Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous et sur quel déplaisir, lorsque vous me voyez, poussez-vous des soupirs? Hélas, pouvez-vous bien me demander, cruel, ce qui fait de mon cœur la tristesse mortelle? Et d'un esprit méchant, n'est-ce pas un effet que feindre d'ignorer ce que vous m'avez fait, celui dont l'entretien vous a fait, à ma vue, passer... C'est de cela que votre âme est émue. Insultée, inhumaine encore à mon malheur, allez, vous sied bien de railler ma douleur, et d'abuser ingrate, à maltraiter ma flamme du faible que pour vous savez comme mon âme. Certes, il en faut rire et confesser ici que vous êtes bien fou de vous troubler ainsi. L'homme dont vous parlez, loin qu'il puisse me plaire, est un homme fâcheux dont j'ai su me défaire. Un de ces importuns et sots officieux qui ne pourraient souffrir qu'on soit seul en des lieux et viennent aussitôt avec un doux langage vous donner une main contre qui l'on enrage. J'ai faim de m'en aller pour cacher mon dessein et jusqu'à mon carrosse il m'a prêté la main. Je m'en suis promptement défaite de la sorte et j'ai pour vous trouver rentré par l'autre porte. Ben, vos discours, Orphise, ajouterai-je foi. Et votre cœur est-il tout sincère pour moi? Je vous trouve fort bon de tenir ces paroles quand je me justifie à vos fins frivoles. Je suis bien simple encore et ma sotte bonté... Oh, ne vous fâchez pas trop sévère, beauté. Je veux croire en aveugle étant sous votre empire tout ce que vous aurez la bonté de me dire. Trompez, si vous voulez, un malheureux amant, j'aurai pour vous respect jusque au monument. Maltraitez mon amour, refusez-moi le vôtre. Exposez à mes yeux le triomphe d'un autre, oui, je souffrirai tout de vos divins appâts, j'en mourrai, mais enfin, je ne m'en plaindrai pas. Quand de tels sentiments régneront dans votre âme, je saurai de ma part... Le marquis, un mot, Madame de grâce, pardonnez si je suis indiscret en osant devant vous lui parler en secret. Avec peine, marquis, je te fais la prière, mais un homme vient là de me rompre en visière et je souhaite fort pour ne rien reculer qu'à l'heure de ma part tu l'as appelé. Tu sais qu'en pareil cas, ce serait avec joie que je te le rendrais en la même monnoie. Je ne veux point ici faire le capitaine, mais on m'a vu soldat avant que courtisan. J'ai servi 14 ans et je crois être en passe de pouvoir d'un tel pas me tirer avec grâce et de ne craindre point qu'à quelque lâcheté le refus de mon bras me puisse être imputé. Un duel met les gens en mauvaise posture, et notre roi n'est pas un monarque en peinture. Il sait faire obéir les plus grands de l'État, et je trouve qu'il fait en digne potentat. Quand il faut le servir, j'ai du cœur pour le faire. Mais je ne m'en sens point quand il faut lui déplaire. Je me fais de son ordre une suprême loi. Pour lui désobéir, cherche un autre que moi. Je te parle, vicomte, avec franchise entière. Et suis ton serviteur en toute autre manière. Adieu. 50 fois au diable, les fâcheux. Où donc s'est retiré cet objet de mes vœux? Je ne sais. Pour savoir où la belle est allée, va-t-on chercher partout. J'attends dans cette année. Mais fâcheux, à la fin, se sont-ils écartés? Je pense qu'il en pleut ici de tous côtés. Je les fuis et les trouve. Et pour second martyr, je ne saurais trouver celle que je désire. Le tonnerre et la pluie ont promptement passé et n'ont point de ces lieux le beau monde chassé. Plus d'au ciel, dans les dons que ces soins y prodiguent, qu'ils en eussent chassé tous les gens qui fatiguent. Le soleil baisse fort et je suis étonné que mon valet encore ne soit point retourné. Bonjour! Eh quoi, toujours ma flamme divertie! Console-moi, marquis, d'une étrange partie qu'au piquet, je perdis hier contre un saint bouvin à qui je donnerais 15 points et la main. C'est un coup enragé qui depuis hier m'accable et qui ferait donner tous les joueurs au diable. Un coup, assurément, à se pendre en public. Il ne m'en faut que 2. L'autre a besoin d'un pic. Je donne, il en prend 6. Et demande à refaire. Moi, me voyant de tout, je n'en voulus rien faire. Je porte l'as de trèfle, admire mon malheur. L'as, le roi, le valet, le 8 et le 10 de cœur. Et quitte, comme au point allait la politique, dame et roi de carreau, 10 et dame de pique. Sur mes 5 heures portées, la dame arrive encore, qui me fait justement une quinte majeure. Mon homme, avec l'as, non sans surprise extrême, des bas carreaux sur table, étale une 6e. J'en avais écarté la dame avec le roi. Mais, lui fallant un pic, je sortis hors des fois, et croyais bien du moins faire 2 points uniques. Avec les 7 carreaux, il avait 4 pics, et jetant le dernier, m'a mis dans l'embarras de ne savoir lequel garder de mes 2 as. J'ai jeté l'as de cœur, avec raison, me semble. Mais il avait quitté 4 trèfles ensemble, et par un 6 de cœur, je me suis vu capot, sans pouvoir de dépit proférer un seul mot. Morbleu, fais-moi raison de ce coup effroyable, à moins que l'avoir vu peut-il être croyable. C'est dans le jeu qu'on voit les plus grands coups du sort. Parbleu, tu jugeras toi-même si j'ai tort, et si c'est sans raison que ce coup me transporte. Car voici nos 2 jeux, qu'exprès sur moi je porte. Tiens, c'est ici mon port, comme je te l'ai dit, et voici... J'ai compris le tout par ton récit. Et voix de la justice au transport qui t'agite, mais pour certaines affaires, il faut que je te quitte. Adieu. Console-toi pourtant de ton malheur. Qui? Moi? Mais j'aurai toujours ce coup-là sur le cœur. Et c'est par ma raison. Pique un coup de tonnerre. Je le veux faire, moi, voir à toute la terre. 1 6 de cœur. 2 points. Oh. En quel lieu sommes-nous? De quelque part qu'on tourne, on ne voit que des fous. Oh, que tu fais languir ma juste impatience. Monsieur, je n'ai pu faire une autre diligence. Mais me rapportes-tu quelques nouvelles, enfin? Sans doute, et de l'objet qui fait votre destin, j'ai par un ordre exprès quelque chose à vous dire. Et quoi? Déjà mon cœur approche de mon soupir. Parle. Souhaitez-vous de savoir ce que c'est? Oui, dis-moi. Monsieur, attendez, s'il vous plaît, je me suis à courir presque mis hors d'haleine. Prends-tu quelque plaisir à me tenir en peine? Puisque vous désirez de savoir promptement l'ordre que j'ai reçu de cet objet charmant, je vous dirai, ma foi, sans vous vanter mon zèle, j'ai bien fait du chemin pour trouver cette belle. Et si... Peste soit fait de tes digressions. Ah, il faut modérer un peu ses passions et... Sénèque est un seau dans ta bouche puisqu'il ne me dit rien de tout ce qui me touche. Dis-moi ton ordre, tôt! Pour contenter vos voeux, votre orphise... Une bête est là dans vos cheveux. Laisse. Cette beauté de sa part vous fait dire... Quoi? Devinez. Sais-tu que je ne veux pas rire? Son ordre est qu'en ce lieu, vous devez vous tenir. Assurez que dans peu, vous l'y verrez venir lorsqu'elle aura quitté quelques provinciales aux personnes de cour fâcheuses animales. Tenons-nous donc au lieu qu'elle a voulu choisir. Mais puisque l'ordre ici m'offre quelques loisirs, laisse-moi méditer. J'ai dessein de lui faire quelques vers sur un air où je la vois se plaire. Tout le monde sera de mon opinion. Croyez-vous l'emporter par obstination? Je pense mes raisons meilleures que les vôtres. Je voudrais qu'on nouille les unes et les autres. J'avise un homme ici qui n'est pas ignorant. Il pourra nous juger sur notre différend. Marquis, de grâce, un mot. Souffrez qu'on vous appelle pour être entre nous deux juges d'une querelle, d'un débat qu'ont ému nos divers sentiments sur ce qui peut marquer les plus parfaits amants. C'est une question à vider difficile et vous devez chercher un juge plus habile. Non, vous nous dites là d'inutiles chansons. Votre esprit fait du bruit et nous vous connaissons. Nous savons que chacun vous donne à juste titre... Mais de grâce. En un mot, vous serez notre arbitre et ce sont deux moments qu'il nous faut nous donner. Vous retenez ici qui vous doit condamner. Car enfin, s'il est vrai ce que j'en ose croire, monsieur, à mes raisons, donnera la victoire. Je ne puis à mon traître inspirer le souci d'inventer quelque chose à me tirer d'ici. Oh, pour moi, de son esprit, j'ai trop bon témoignage pour craindre qu'il prononce à mon désavantage. Enfin, ce grand débat qui s'allume entre nous est de savoir s'il veut qu'un amant soit jaloux. Ou pour mieux expliquer ma pensée et la vôtre, lequel doit plaire plus, d'un jaloux ou d'un autre? Pour moi, sans contredit, je suis pour le dernier. Et dans mon sentiment, je tiens pour le premier. Je crois que notre cœur doit donner son suffrage à qui fait éclater du respect davantage. Et moi, que si nos vœux doivent paraître au jour, c'est pour celui qui fait éclater plus d'amour. Oui, mais on voit l'ardeur dont une âme est saisie bien mieux dans les respects que dans la jalousie. Et c'est mon sentiment que qui s'attache à nous nous aime d'autant plus qu'il se montre jaloux. Fui, ne me parlez point pour être amant, Climène, de ces gens dont l'amour est fait comme la haine et qui, pour tout respect et toute offre de vœux, ne s'applique jamais qu'à se rendre fâcheux, dont l'âme, que sans cesse un noir transport anime, des moindres actions cherche à nous faire un crime, en soumet l'innocence à son aveuglement, et veut sur un coup d'œil un éclaircissement, qui, de quelque chagrin, nous voyant l'apparence, se plaignent aussitôt qu'ils naissent de leur présence, et lorsque dans nos yeux brille un peu d'enjouement, veulent que leurs rivaux en soient le fondement. Enfin, qui prenant droit des fureurs de leurs ailes, ne vous parle jamais que pour faire querelle, osent défendre à tous l'approche de nos cœurs et se font les tyrans de leurs propres vainqueurs. Moi, je veux des amants que le respect inspire et leur soumission marque mieux notre empire. Fille, ne me parlez point pour être vrais amants de ces gens qui pour nous n'ont nul emportement, de ces tièdes galants de qui les cœurs paisibles tiennent déjà pour eux les choses infaillibles, n'ont point peur de nous perdre et laissent chaque jour sur trop de confiance endormir leur amour, sont avec leurs rivaux en bonne intelligence et laissent un champ libre à leur persévérance. Un amour si tranquille excite mon courroux. C'est aimer froidement que n'être point jaloux. Et je veux qu'un amant, pour me prouver sa flamme, sur d'éternels soupçons laisse flotter son âme, et par de prompts transports donne un signe éclatant de l'estime qu'il fait de celle qu'il prétend. On s'applaudit alors de son inquiétude, et s'il nous fait parfois un traitement trop rude, le plaisir de le voir soumis à nos genoux, s'excuser de l'éclat qu'il a fait contre nous, ses pleurs, son désespoir d'avoir pu nous déplaire, est un charme à calmer toute notre colère. Si, pour vous plaire, il faut beaucoup d'emportement, je sais qui vous pourrait donner contentement. Et je connais des gens, dans Paris plus de quatre, qui, comme ils le font voir, aiment jusque à battre. Si, pour vous plaire, il faut n'être jamais jaloux, je sais certaines gens fort commodes pour vous, des hommes en amour d'une humeur si souffrante qu'ils vous verraient sans peine entre les bras de trente. Enfin, Par votre arrêt, vous devez déclarer celui de qui l'amour vous semble à préférer. Puisqu'à moins d'un arrêt, je ne m'en puis défaire, toutes deux à la fois, je veux vous satisfaire. Et pour ne point blâmer ce qui plaît à vos yeux, le jaloux aime plus et l'autre aime bien mieux. L'arrêt est plein d'esprit, mais... Suffit. J'en suis quitte. Après ce que j'ai dit, souffrez que je vous quitte. Que vous tardez, madame, et que j'éprouve bien... Non, non. Ne quittez pas un si doux entretien. À tort, vous m'accusez d'être trop tard venu et vous avez de quoi vous passer de ma vue. Sans sujet contre moi, voulez-vous vous aigrir? Et me reprochez-vous ce qu'on me fait souffrir à de grâce. Attendez. Laissez-moi, je vous prie, et courez vous rejoindre à votre compagnie. Ciel. Faut-il qu'aujourd'hui, fâcheuses et fâcheux conspirent à troubler les plus chers de mes vœux? Mais allons sur ses pas, malgré sa résistance, et faisons à ses yeux briller notre innocence. Ah, marquis, que l'on voit de fâcheux tous les jours venir de nos plaisirs interrompre le coup. Tu me vois enragé d'une assez belle chasse qu'un fat. C'est un récit qu'il faut que je te fasse. Je cherche ici quelqu'un et ne puis m'arrêter. Parbleu, chemin faisant, je te le veux compter. Nous étions une troupe assez bien assortie qui, pour courir à un cerf, avions hier fait partie. Et nous fûmes couchés sur le pays exprès, c'est-à-dire, mon cher, en fin fond de forêt. Comme cet exercice est mon plaisir suprême, je voulus pour bien faire aller au bois moi-même. Et nous conclûmes tous d'attacher nos efforts sur un cerf qu'un chacun nous disait cerf d'icor. Et moi, mon jugement, sans qu'on marque j'arrête, fut qu'il n'était que cerf à sa seconde tête. Nous avions comme il faut séparé nos relais, déjeunions en hâte avec quelques œufs frais, lorsqu'un franc campagnard, avec longue rapière, montant superbement sa jument poulinière, qui l'honorait du nom de sa bonne jument, s'en est venu nous faire un mauvais compliment, nous présentant aussi, pour surcroît de colère, un grand bonnet de fils aussi sot que son père. Il s'est dit grand chasseur, et nous a prié tous qu'il pût avoir le bien de courir avec nous. Dieu préserve en chassant toute sage personne, la porteur de huchet qui mal à propos sonne, de ces gens qui, suivis de dix hours égaleux, disent ma meute et font les chasseurs merveilleux. Sa demande reçue et ses vertus prisées, nous avons été tous frappés à l'eau brisée à trois longueurs de trait. Taillot, voilà d'abord le cerf donné aux chiens. J'appuie et sonne fort. Mon cerf débouche et passe une assez longue plaine et mes chiens après lui, mais si bien en haleine qu'on les aurait couverts tous d'un seul juste au corps. Il vient à la forêt. Nous lui donnons alors la vieille meute, et moi je prends en diligence mon cheval Alzan. Tu l'as vu? Non, je pense. Comment? C'est un cheval aussi bon qu'il est beau, et que ces jours passés, j'ai acheté de gavots. Je te laisse penser si sur cette matière, il voudrait me tromper, lui qui me considère. Aussi, je m'en contente. Et jamais, en effet, il n'a vendu cheval ni meilleur, ni mieux fait. Une tête de barbe, avec l'étoile nette, l'encolure d'un cygne, effilée et bien drette. Point d'épaule non plus qu'un lièvre, pour jointer et kiffer dans son port, voir sa vivacité. Des pieds, morbleu, des pieds! Le rein double. À vrai dire, j'ai trouvé le moyen, moi seul, de le réduire. Et sur lui, quoique aux yeux il montrât beau semblant, petit Jean de Gavot ne montait qu'en tremblant. Quelques chiens revenaient à moi, quand, pour disgrâce, le jeune cerf, marquis, à mon campagnard passe. Mon étourdi se met à sonner comme il faut et crie à pleine voix « Taillot, taillot, taillot !» Je ramène les chiens à ma première voix qui vont, en me donnant une excessive joie, requérir notre cerf comme s'il l'eussent vu. Ils le relancent. Mais ce coup est-il prévu? À te dire le vrai, cher marquis, il m'assomme. Notre cerf relancé va passer à notre homme, qui, croyant faire un trait de chasseur fort vanté, d'un pistolet d'arçon qu'il avait apporté, lui donne justement au milieu de la tête et de fort loin me crie « Ah, j'ai mis pas la bête !» A-t-on jamais parlé de pistolet, bon Dieu, pour courir un cerf? Pour moi, venant dessus le lieu, j'ai trouvé l'action tellement hors d'usage que j'ai donné des deux à mon cheval de rage et m'en suis revenu chez moi toujours courant sans vouloir dire un mot à ce sot ignorant. Tu ne pouvais mieux faire et ta prudence est rare. C'est ainsi des fâcheux qu'il faut qu'on se sépare. Adieu! Quand tu voudras, nous irons quelque part où nous ne craindrons point de chasseurs campagnards. Fort bien. Je crois qu'enfin je perdrai patience. Cherchons à m'excuser avec diligence. d'un côté mes soins ont réussi, cet adorable objet enfin s'est adouci. Mais d'un autre on m'accable, et les astres sévères ont contre mon amour redoublé leur colère. Oui, Damis, son tuteur, mon plus rude fâcheux, tout de nouveau s'oppose au plus doux de mes voeux. À son aimable nièce a défendu ma vue, et veut d'un autre époux l'avoir demain pourvu. Orphise, toutefois, malgré son désaveu, daigne accorder ce soir une grâce à mon feu. Et j'ai fait consentir l'esprit de cette belle à souffrir qu'en secret je la visse chez elle. L'amour aime surtout les secrètes faveurs. Dans l'obstacle qu'on force, il trouve des douceurs. Et le moindre entretien de la beauté qu'on aime, lorsqu'il est défendu, devient grâce suprême. Je vais au rendez-vous. C'en est l'heure à peu près. Puis je veux m'y trouver plutôt avant qu'après. Suivrai-je vos pas ? Non. Je craindrais que peut-être à quelques yeux suspects tu me fisses connaître. Mais... Je ne le veux pas. Je dois suivre vos lois. Mais au moins si de loin... Te tairas-tu 20 fois ? Et ne veux-tu jamais quitter cette méthode de te rendre à toute heure un valet incommode ? Monsieur ! Le tort est puni à l'honneur de vous voir. Le matin est plus propre à rendre un tel devoir. Mais de vous rencontrer, il n'est pas bien facile, car vous dormez toujours, ou vous êtes en ville. Au moins, messieurs, vos gens me l'assurent ainsi. Et j'ai pour vous trouver pris l'heure que voici. Encore est-ce un grand heure dont le destin m'honore, car 2 moments plus tard, je vous manquais encore. Monsieur, souhaitez-vous quelque chose de moi ? Je m'acquitte, monsieur, de ce que je vous dois, et vous viens... Excusez l'audace qui m'inspire, si... Sans tant de façon, qu'avez-vous à me dire ? Comme le rang, l'esprit, la générosité que chacun vante en vous... Oui, je suis fort vanté, passons, monsieur. Monsieur, c'est une peine extrême lorsqu'il faut à quelqu'un se produire soi-même et toujours près des grands. On doit être introduit par des gens qui, de nous, fassent un peu de bruit, dont la bouche écoutée avec poids débite ce qui peut faire voir notre petit mérite. Enfin, j'aurais voulu que des gens bien instruits vous eussent pu, monsieur, dire ce que je suis. Je vois assez, monsieur, ce que vous pouvez être. Et votre seul abord le peut faire connaître. Hein? Oui, je suis un savant, charmé de vos vertus. Non pas de ces savants dont le nom n'est qu'en us. Il n'est rien si commun qu'un nom à la latine. Ce qu'on habille en grec ont bien meilleure mine. Et pour en avoir un qui se termine en S, je me fais appeler Monsieur Charitides. Monsieur Charitides. Soit, qu'avez-vous à me dire ? C'est un placet, monsieur, que je voudrais vous lire, et que, dans la posture où vous met votre emploi, j'ose vous conjurer de présenter au roi. Eh, monsieur, vous pouvez le présenter vous-même. Il est vrai que le roi fait cette grâce extrême, mais par ce même excès de ses rares bontés, tant de méchants placets, monsieur, sont présentés qu'ils étouffent les bons, et l'espoir où je fonde est qu'on donne le mien quand le prince est sans monde. Eh bien, vous le pouvez et prendre votre temps. Oh, monsieur, les huissiers sont de terribles gens. Ils traitent les savants de faquins à nazarde, et je n'en puis venir qu'à la salle des gardes. Le mauvais traitement qu'il me faut endurer pour jamais de la cour me ferait retirer. Si je n'avais conçu l'espérance certaine qu'auprès de notre roi vous serez mon mécène. Oui, votre crédit m'est un moyen assuré. Eh bien, donnez-moi donc, je le présenterai. Le voici. Mais au moins, voyez-en la lecture. Non. C'est pour être instruit, monsieur, je vous conjure. Placé au roi. Sire. Votre très humble, très obéissant, très fidèle et très savant sujet et serviteur, Charitides, français de nation, grec de profession, ayant considéré les grands et notables abus qui se commettent aux inscriptions des enseignes des maisons, boutiques, cabarets, jeux de boules et autres lieux de votre bonne ville de Paris, en ce que certains ignorants compositeurs desdites inscriptions renversent par une barbare, pernicieuse et détestable orthographe, toutes sortes de sens et raisons, sans aucun égard d'étymologie, analogie, énergie, ni allégorie quelconque, au grand scandale de la République des Lettres et de la nation française, qui se décrit et déshonore par les dix abus et fautes grossières envers les étrangers, et notamment envers les Allemands, curieux lecteurs et inspectateurs des dites inscriptions. Ce placet est fort long et pourrait bien fâcher. Oh, monsieur, pas un mot ne s'en peut retrancher. Achevez promptement. Supplie humblement votre majesté de créer, pour le bien de son État et la gloire de son empire, une charge de contrôleur, intendant, correcteur, reviseur et restaurateur général des dites inscriptions. Et dit celle, honorer le suppliant, tant en considération de son rare et éminent savoir que des grands et signalés services qu'il a rendus à l'État et à votre majesté en faisant l'anagramme de votre dite majesté en français, latin, grec, hébreu, syriaque, chaldéen, arabe. Fort bien. Donnez-le vite et faites la retraite. Il sera vu du roi. C'est une affaire faite. Hélas, monsieur, c'est tout que mon trémon plaçait. Si le roi le peut voir, je suis sûr de mon fait. Car comme sa justice en toute chose est grande, il ne pourra jamais refuser ma demande. Au reste, pour porter au ciel votre renom, donnez-moi par écrit votre nom et surnom. J'en veux faire un poème en forme d'acrostiche dans les deux bouts du verre et dans chaque épistiche. Oui, vous l'aurez demain, monsieur Charitides. Ma foi, de tels savants sont des ânes bien faits. J'aurais dans d'autres temps bien ri de sa sottise. Bien qu'une grande affaire en ces lieux me conduise, j'ai voulu qu'il sortît avant que vous parliez. Fort bien, mais dépêchons, car je veux m'en aller. Je me doute à peu près que l'homme qui vous quitte vous apporte ennuyé, monsieur, par sa visite. C'est un vieux importun qui n'a pas l'esprit sain et pour qui j'ai toujours quelques défaites en main. Au Maille, à Luxembourg et dans les Tuileries, il fatigue le monde avec ses rêveries. Et des gens comme vous doivent fuir l'entretien de tous ces savantards qui ne sont bons à rien. Pour moi, je ne crains pas que je vous importune, puisque je viens, monsieur, faire votre fortune. Voici quelques souffleurs de ces gens qui n'ont rien, et vous viennent toujours promettre tant de bien. Vous avez fait, monsieur, cette bénite pierre qui peut seul enrichir tous les rois de la terre. La plaisante pensée est là, sous vous voilà. Dieu me garde, monsieur, d'être de ces fous-là. Je ne me refais point de visions frivoles. Et je vous porte ici les solides paroles d'un avis que par vous je veux donner au roi et que tout cacheté je conserve sur moi. Non de ces sots projets, de ces chimères vaines, dont les surintendants ont les oreilles pleines, non de ces gueux d'avis dont les prétentions ne parlent que de 20 ou 30 millions, mais un qui tous les ans, ainsi peu qu'on le monte, en peut donner au roi 4 sots de bon compte, avec facilité, sans risque ni soupçon, et sans fouler le peuple en aucune façon. Enfin, c'est un avis d'un gain inconcevable, et que du premier mot, on trouvera faisable. Oui, pourvu que par vous, je puisse être poussé. Soit, nous en parlerons, je suis un peu pressé. Si vous me promettiez de garder le silence, je vous découvrirais cet avis d'importance. Non, non, je ne veux point savoir votre secret. Monsieur, pour le trahir, je vous crois trop discret, et veux avec franchise, en démon, vous l'apprendre. Il faut voir si quelqu'un ne peut point nous entendre. Cet avis merveilleux, dont je suis l'inventeur, est que... D'un peu plus loin, et pour cause, monsieur. Vous voyez le grand gain, sans qu'il faille le dire, que de ces ports de mer, le roi tous les en tire. Or, là, dont encore nul ne s'est avisé, et qu'il faut de la France, et c'est un coup aisé, enfin de port de mer mettre toutes les côtes. Ce serait pour monter à des sommes très hautes, et si... L'avis est bon et plaira fort au roi. Adieu, nous nous verrons. Au moins appuyez-moi pour en avoir ouvert les premières paroles. Oui, oui. Si vous vouliez me prêter deux pistoles, que vous reprendriez sur le droit de la vie, monsieur... Oui, volontiers. Plût à Dieu qu'à ce prix de tous les importuns je puisse me voir quitte. Voyez quel contre-temps prend ici leur visite. Je pense qu'à la fin je pourrai bien sortir. Viendra-t-il point quelqu'un encore me divertir? Marquis, je viens d'apprendre une étrange nouvelle. Quoi? Qu'un homme tantôt t'a fait une querelle. À moi? Que te sert-il de le dissimuler? Je sais de bonne part qu'on t'a fait appeler. Et comme ton ami, quoi qu'il en réussisse, je te viens, contre tous, faire offre de service. Je te suis obligé, mais quoi que tu me fais? Tu ne me l'avoueras pas, mais tu sors sans valet. Demeure dans la ville ou gagne la campagne, tu n'iras nulle part que je ne t'accompagne. Oh, non, ah, à quoi bon de te cacher de moi? Je te jure, Marquis, qu'on s'est moqué de toi. En vain, tu t'en défends. Que le ciel me foudroie, si d'aucun démêlé. Tu penses qu'on te croit? Mais mon Dieu, je te dis et ne déguise point que... Ne me crois pas dupe et crédule à ce point. Je suis m'obligé. Non! Laisse-moi, je te prie. Point d'affaire, Marquis. Une galanterie en certain lieu ce soir. Je ne te quitte pas. En quel lieu que ce soit, je veux suivre tes pas. Parbleu! Puisque tu veux que j'aie une querelle, je consens à l'avoir pour contenter ton zèle. Ce sera contre toi qui me fais enrager et dont je ne me puis par douceur dégager. C'est fort mal d'un ami recevoir le service. Mais puisque je vous rends un si mauvais office, adieu. Videz sans moi tout ce que vous aurez. Vous serez mon ami quand vous me quitterez. Mais voyez quel malheur suivent ma destinée. Ils m'auront fait passer l'heure qu'on m'a donnée. Quoi, malgré moi, le traître est-ce faire l'obtenir? Ah, mon juste courroux le saura prévenir. Entrevoilà quelqu'un sur la porte d'Orphise. Quoi, toujours quelque obstacle au feu qu'elle autorise? Oui, j'ai su que ma nièce, en dépit de mes soins, doit voir ce soir chez elle, Eraste sans témoin. Je vais t'en faire venir ce que je viens de dire pour les mettre en embûche au lieu que je désire, afin qu'au nom d'Eraste, on soit prêt à venger mon honneur, que ces feux dont l'orgueil d'outragé, à rompre un rendez-vous qui dans ce lieu l'appelle, et noyer dans son sang sa flamme criminelle. Avant qu'à tes fureurs, on puisse l'immoler, traître, tu trouveras en nous à qui parler. Bien qu'il m'ait voulu perdre un poids d'honneur me presse de secourir ici l'oncle de ma maîtresse. Je suis à vous, monsieur. Au ciel, par quel secours ne serait pas assuré, dois-je sauver mes jours? À qui suis-je obligé d'un si rare service? Je n'ai fait vous servant qu'un acte de justice. Ciel, fus-je à mon oreille ajouté quelquefois? Est-ce la main d'Eraste? Oui, oui, monsieur, c'est moi. Trop heureux que ma main vous ait tiré de peine, trop malheureux d'avoir mérité votre haine. Quoi, celui dont j'avais résolu le trépas, et celui qui pour moi vient d'employer son bras? Oh, c'en est trop! Mon cœur est contraint de se rendre, et quoique votre amour ce soir ait pu prétendre, ce trait, si surprenant de générosité, doit étouffer en moi toute animosité. Je rougis de ma faute et blâme mon caprice. Ma haine, trop longtemps, vous a fait injustice. Et pour la condamner par un éclat fameux, je vous joins dès ce soir à l'objet de vos vœux. Monsieur, quelle aventure a d'un trouble effroyable! Ma nièce, elle n'a rien que de très agréable, puisqu'après tant de vœux que j'ai blâmés en vous, c'est elle qui vous donne Eraste pour époux. Son bras a repoussé le trépas que j'évite, et je veux envers lui que votre main mette. Si c'est pour lui payer ce que vous lui devez, j'y consens, devant tout au jour qu'il a sauvé. Mon cœur est si surpris d'une telle merveille qu'en ce ravissement je doute si je veille. Célébrons le ressort dont vous allez jouir, et que nos violons viennent nous réjouir. Qui frappe là si fort? Monsieur, ce sont des masques qui portent des gradins et des tambours de basse. Quoi? Toujours des fâcheux? Voilà, Suisse! Ici, qu'on me fasse sortir ces gradins que voici! Vous venez d'entendre « Les fâcheux », comédie en trois actes de Molière, avec la distribution suivante. Julien Berthaud, Eraste, Jacques Charon, Lysandre, Marcel Lemarchand, Damis, Le Goff, Lespine, Paul-Émile Débert, Ormain, Jacques Clancy, Alcandre, Georges Chamara, Caritides, Maurice Portera, Alcipe, Louis Aymon, Dorante, Jacques Ezer, Philinte, Jean Pia, La Montagne, Irène Briand, Orante, Hélène Bélanger, Climène, Yvonne Godot, Orphise, et Jean-Louis Le Goff, La Rivière. Et maintenant, voici La Métromanie, comédie en cinq actes en vers de Piron. Alexis Piron naquit à Dijon en 1689 et passa sa jeunesse en cette ville charmante et gaie, où la truculence et la verdeur dans les propos ne font pas peur même aux bourgeois les plus austères. Son père, apothicaire, rimait de façon agréable, et Alexis, plus cultivé, se mit lui aussi et dès l'adolescence à faire des vers lestes, hardis, si hardis qu'une ode un peu osée fit scandale et que Piron décida alors de gagner Paris. Professant dès sa jeunesse la haine des médiocres et des cuistres, il dira plus tard, parlant de cette académie française qui tardait à lui ouvrir ses portes, « Ils sont là 40 qui ont de l'esprit comme 4. » Piron, cependant, ne se laissa pas rebuter par les refus qu'il essuyait dans les théâtres qui, déjà à cette époque, n'osaient offrir leur scène aux jeunes auteurs. Mais Crébillon, en 1728, l'entraîna vers le Théâtre français, où il fit représenter une comédie en 5 actes en vers, Les Fils Ingrats ou L'École des Pères. Il y donna des tragédies, des comédies presque oubliées aujourd'hui, et enfin son chef-d'œuvre, La Métromanie, en 1738. La Métromanie, c'est une aventure réelle et fort piquante dont Voltaire fut le héros un peu moqué, ce qui n'était pas pour déplaire à Piron. Un poète amateur breton, M. Desforges Maillard, s'amusa pendant 2 ou 3 ans à envoyer des pièces au Mercure sous le nom de Mademoiselle de Malcré de la Vigne. La Sappho supposée fut unanimement admirée, et tant que bon nombre de poètes cotés lui adressèrent des vers, et Voltaire lui-même. Puis, un beau jour, l'authentique Desforges débarqua à Paris, se fit connaître, et le public et les salons s'en égayèrent à l'excès. Piron écrivit alors « La Métromanie », que nous vous donnons aujourd'hui avec la distribution suivante. Jacques Charon d'Amis, Robert Manuel Mondor, Jacques Clancy d'Orante, Georges Vitray Baliveau, Georges Chamara Fancaleux, Gisèle Casatsu Lisette, Yvonne Godot Lucide. Cette maison des champs me paraît un bon gîte. Je voudrais bien ne pas en décamper si vite, surtout m'y retrouvant avec tes yeux fripons auprès de qui de moi. Tous les gîtes sont bons. Auprès de mon maître ici, n'ayant point de nouvelles, il faut que je revole à Paris. Tu l'appelles ? Damis, le connais-tu ? Non. Adieu donc. Adieu. On m'a pourtant bien dit, chez M. Francaleux. C'est ici ? Vous jouez chez vous la comédie ? C'est moi ce rôle encore qu'il faut que j'étudie. Le patron n'a-t-il pas une fille unique ? Oui. Et qui sort du couvent depuis peu ? D'aujourd'hui. Vivement recherchée ? Et très digne de l'être. Et vous avez grand monde ? À ne pas nous connaître. Illumination, bal, concert ? Tout cela. Un beau feu d'artifice ? Il est vrai. M'y voilà, Damis doit être ici. Chaque mot me le prouve. Quand le diable en serait, il faut que je le trouve. Sa mine, ses habits, son état, sa façon. Ah, c'est ce qui n'est pas facile à peindre, non. Car selon la pensée où son esprit se plonge, sa face, à chaque instant, s'élargit ou s'allonge. Il se néglige trop ou se part à l'excès. D'état, il n'en a point. Il n'en aura jamais. C'est un homme isolé qui vit en volontaire, qui n'est bourgeois, abbé, robin ni militaire, qui va, vient, veille, sue et se tourmentant bien, travaille nuit et jour, et jamais ne fait rien. Au surplus, rassemblant dans sa seule personne plusieurs originaux qu'au théâtre on nous donne. Misanthrope, étourdi, complaisant, glorieux, distrait, ce dernier-ci le désigne le mieux. Je m'oriente. On a l'homme que tu souhaites, n'est-ce pas de ces gens que l'on nomme poète ? Oui. Nous en avons un. C'est lui. Peut-être bien. Quoi donc ? Le personnage en tout ressemble au tien, sinon que ce n'est pas Damis que l'on le nomme. Contente-moi, n'importe, et montre-moi cet homme. Cherche, il est arrivé là-bas dans ces bosquets. Mais vas-y seul, on vient. Je prends les taquets. Dorante ici, Dorante. Oh, Lisette, oh, ma belle, que je t'embrasse. Eh bien, dis-moi donc la nouvelle, félicite-moi donc. Quel plaisir, l'heureux jour, que ce jour a tardé longtemps à mon amour. De la chose avant moi, tu dois être averti. Que ne me dis-tu donc que Lucille est sortie, que je vais, que je puis, qu'on soit-tu. Oh, pèse-moi. Mais vous n'êtes pas sage en vérité. Pourquoi ? Si monsieur vous trouvait, songez donc où vous êtes. Y pensez-vous d'oser venir comme vous faites chez un homme avec qui votre père en français ? Bon, m'a-t-il jamais vu ni de loin ni de près ? Je vois le parc ouvert, j'entre. Vous le dirai-je. Eussiez-vous 100 fois plus d'audace et de manège, Lucille, même à nous, daigna-t-elle s'unir ? Je ne sais trop comment vous pourrez l'obtenir. Oh, je le sais bien, moi. Mon père m'idolâtre, il n'a que moi d'enfant, je suis opiniâtre, je le veux qu'il le veuille. Autrement, j'ai des mères, je ne lui manque point, et je fais pis, je meurs. Mais si le grand procès qu'il a... Il y renonce. Le père de Lucille a gagné, je prononce. Mais si votre père ose en appeler... Jamais. Mais si... Fini de grâce et laisse-la t'aimer. Croyez-vous donc, monsieur, vous seul avoir un père ? Le nôtre, y voudra-t-il consentir ? Je l'espère. Moi, je l'espère peu. Sois en paix là-dessus. Le vieillard est entier. Le jeune homme encore plus. Lucille est un parti. Je suis bon pour Lucille. Elle a 100 000 écus. J'en aurai 200 000. Mais vous aimera-t-elle ? Oh, laisse-la ta peur. Quand je t'en vois douter, tu me perces le cœur. Je vous l'ai dit 100 fois, c'est une nonchalante qui s'abandonne au cours d'une vie indolente, de l'amour d'elle-même éprise uniquement, incapable en cela d'aucun attachement. Une idole du Nord, une froide femelle qui voudrait qu'on parlât, que l'on pensât pour elle, et sans agir, sentir, craindre ni désirer, n'avoir que l'embarras d'être et de respirer. Et vous voulez qu'elle aime? Elle, avoir une intrigue, eût songez-vous, monsieur. Fus donc, cela fatigue. D'un mois que le cœur vous en dit, si votre amour vous laisse un moment de répit, et c'est ma foi, bien pis chez nous que chez les hommes. Enfin, depuis un mois, sachant où nous en sommes. Elle aime éperdument ces vers passionnés que votre ami compose et que vous nous donnez. Et je guette l'instant d'oser dire à la belle que ces vers sont de vous et qu'ils sont faits pour elle. Qu'ils sont de moi? Mais c'est mentir effrontément. Eh bien, je mentirai, mais j'aurai l'agrément d'intéresser pour vous l'indifférence même. Lucile en est encore à savoir que je l'aime. Que ne profitions-nous de la commodité de ces vers amoureux dont son goût est flatté? Un trait pouvait m'y faire aisément reconnaître, et mieux que tu ne crois, m'eût réussi peut-être. Non, vous dis-je, non, vous auriez tout gâté. L'indifférence incline à la sévérité. Il fallait bien d'abord préparer toute chose, de l'empire amoureux, lui déplier les roses, l'induire à se vouloir baisser pour en cueillir. Dès en lisant vos vers, je la vois tressaillir. C'est une églogue aussi qu'on lui prépare encore. Damis se lève exprès chez vous avant l'aurore. Damis? L'auteur de ces riens dont on fait tant de cas, et sa rencontre ici, tout franc, ne me plaît pas. Celui que nous nommons Monsieur de l'Empire? Oui. Son talent chez nous lui donne aussi l'entrée. Mon père en était pris jusqu'à l'aimer, je crois, un peu plus que ma mère, et presque autant que moi. Laissons là son églogue. Soit, je t'en dispense. Sur un pareil emprunt, tu sais comme je pense. Monsieur de Francaleux ne vous connaît pas? Non. Faites-vous présenter à lui sous un faux nom. Ici, l'amour des vers est un duc de famille. Le père, qui les aime encore plus que la fille, regarde votre ami comme un homme divin. Et il vous plairait d'abord présenter de sa main. Il peut me demander la raison qui m'attire. Le goût pour le théâtre en est une à lui dire. Désirez jouer avec nous? Justement, quelques acteurs nous font bon en ce moment. Oui, là, je les remplace et je m'offre à tout faire. À la pièce du jour, rendez-vous nécessaire. Il s'agit de cela maintenant, après quoi? Voici notre poète. Adieu, retire-toi. Tout à l'heure, mon cher, il faut prendre la peine. Non, jamais si vos feux ne m'échauffent à la veine. Ma foi, j'ai fait pour vous bien des vers jusqu'ici, mais je donne ma voix et la palme à ceux-ci. Il s'agit... de vous faire une églogue, elle est faite. Et n'allons pas si vite. Oh, mais faite et parfaite. Je le crois. Au bon coin, ceci sera frappé. D'accord. Et je le donne en quatre au plus huppé. Laissons. Je vous demande... Oui, du noble et du tendre. Non, du tranquille. Aussi, vous en allez entendre. J'en jugerai mal. Mieux qu'un autre, écoutez. Je suis sourd. Je crierai. C'est vrai, vainement. Permettez. Quelle rage. Daphnis et l'écho, dialogue. Daphnis. Au diable soit l'écho, l'homme et les cloques. Écho que je retrouve en ce bocage épais. Fais, dit l'écho, fais, dis-je. Une bonne fois, fais, sinon... Comment, monsieur? Quand pour vous, je compose. Mais quand de vous, monsieur, on demande autre chose? Ode, épître, cantate, élégie. Eh bien... Portrait, sonnet, bouquet, triolet, ballet... Rien! Mon amour se retranche au langage ordinaire, et désormais du vôtre, il n'aura plus à faire. C'est autre chose. Alors ces vers seront pour moi. Non, que je ne ressente ainsi que je le dois la bonté que ce jour encore vous avez eue. J'ai regret à la peine. Elle n'est pas perdue. Mes vers, sans aller loin... seront tous placés et l'on a pour son compte à qui les adresser. Ah. Vous aimez? Qui donc aimerait, je vous prie? La sensibilité fait tout notre génie. Le cœur d'un vrai poète est prompt à s'enflammer et l'on ne l'est qu'autant que l'on sait bien aimer. Je crois mon rival. Quelle est votre bergère? De la vôtre, pour moi, le nom fut un mystère, que le nom de la mienne en puisse être un pour vous. Et votre sort, monsieur, sans doute... Elle est plus doux. Une plume si tendre a de quoi plaire aux belles. Ce jour vous en dira peut-être des nouvelles. Ce jour est un grand jour. Oh, c'est Lucile. Oh ça, si vous ne la nommez, du moins dépeignez-la. Je le voudrais. À qui tient-il? Son froid me tue. Je ne le puis. Pourquoi? Je ne l'ai jamais vue. C'est elle. Expliquez-vous. Mes termes sont fort clairs. D'où naîtrait donc vos feux? De son goût pour les vers. De son goût pour les vers? Mon infortune est sûre. Mais n'importe, feignons et poussons l'aventure. Donnez-moi pour acteur à monsieur Francaleux. Je me sens du talent et je voudrais un peu, en m'essayant chez lui, voir ce que je sais faire. Venez. Mon nom pourrait me nuire. Il faut le taire. Vous êtes mon ami, ce titre suffira. Écoutez seulement les vers qu'il vous lira. C'est un fort galant homme, excellent caractère, bon ami, bon mari, bon citoyen, bon père, mais... À l'humanité, si parfait que l'on fût, toujours par quelques faibles, on paya le tribut. Le sien est de vouloir rimer malgré Minerve, de s'être en cheveux gris avisé de sa verve, si l'on peut nommer verve une démangeaison qui fait honte à la rime ainsi qu'à la raison. Et malheureusement, ce qui vit si abonde, du torrent de ses vers, sans cesse, il nous inonde. D'où le premier lui-même, il en raille, il en rit, grimace. L'auteur perce, il les lit, les relit, prétend qu'il fasse rire. Et pour peu qu'on en rie, le poignard sur la gorge en fait prendre copie, rentre en fougue, s'acharne impitoyablement et charmé du flatteur, le paye en l'assommant. Oh, je suis patient, je veux lasser votre homme. Et que de l'encensoir, ce soit moi qui l'assomme. Pour moi, je meurs, je tombe écrasé sous le fait. Qui vous retient chez lui ? Des raisons que je tais. Le voici. Le corps me frissonne à l'approche du griffonnage affreux qu'il a toujours en poche. Et ce soit de ces coups où l'on ne s'attend pas. Voilà ma pièce au diable et mon théâtre à bas. Commandant. Trois acteurs, l'amant, l'oncle, le père, manquant à point nommé, font cette belle affaire. L'un est inoculé, l'autre aux os, l'autre mort. C'est bien prendre son temps. Le dernier à grand tort. Je croyais célébrer le retour de ma fille. À grands frais, je convoque amis, parents, famille. J'assemble un auditoire et nombreux et galant, et nous fermons. Cela n'est-il pas régalant ? Certes, les trois sujets étaient bons, c'est dommage. Que sérénité. Savez-vous quand j'enrage, que j'enrage encore plus, si l'on enrage aussi ? C'est que je vois monsieur bon remède à ceci. Le rôle des vieillards n'est pas de longue haleine. Les deux premiers venus le rempliront sans peine. Et l'amant, mon ami, t'en a quitte à ravir. Vous me voyez, monsieur, tout prêt à vous servir. Il a d'un amoureux tout à fait l'encolure. Le jeu bien au-dessus encore de la figure. Mais il s'agit ici d'un amant maltraité. Et peut-être monsieur ne l'a jamais été. Or, il faut, quelque loin qu'un talent puisse atteindre, éprouver pour sentir, et sentir pour bien peindre. Aussi n'ira-t-il pas se chercher en autrui, le rôle qu'il accepte est modelé sur lui. Le pauvre infortuné meurt pour une inhumaine sans oser déclarer son amoureuse peine, de façon qu'il en est encore à s'aviser quand peut-être quelque autre est tout près d'épouser. Ma situation, sans doute, est peu commune, et je sens en effet toute mon infortune. Bon, tant mieux! Vous voilà selon notre désir. Venez, et croyez-moi, vous aurez du plaisir. J'ai beau le voir partir, je ne m'en crois pas quitte. Mais grâce à l'embarras qui l'occupe et l'agite, sain et sauf, une fois, j'échappe à mon bourreau. Oh ! Attendez-vous à voir quelque chose de gros ? J'achève de brocher une pièce en six actes. La rime et la raison n'y sont pas trop exactes. Mais j'en apprête mieux à rire à mes dépens. Et je n'armerai pas contre ce guet-apens. Ce devrait être fait. Qu'il reste à sa campagne ou me vienne chercher au fond de la Bretagne. L'amour m'y tend les bras, mon cœur m'a devancé. C'est un nœud que de loin l'esprit t'a commencé. Il est temps que la vue et l'achève et le serre. Partons. Ah ! Grâce au ciel, enfin je vous déterre. Je vous cherche, monsieur, depuis 8 jours entiers. Et de Paris, 100 fois, j'ai fait tous les quartiers. Oh, bon gré malgré, voici qui me retarde. Écoutez donc, monsieur. Enfin, prenez-y garde. Un beau jour. Un beau jour, ne te tairas-tu point. À votre aise, après tout. Liberté sur ce point. Enfin, quelqu'un m'a dit qu'ici vous pouviez être. Mais personne, monsieur, ne veut vous y connaître. Et dans ce vaste enclos que j'ai tout parcouru, je vous manquais encore si vous n'eussiez paru. De mes admirateurs, tout cet enclos fourmille. Mais tu m'as demandé par mon nom de famille. Sans doute. Comment donc aurais-je interrogé ? Je n'ai plus ce nom-là. Vous en avez changé ? Oui, j'ai depuis 8 jours imité mes confrères. Sous leur nom véritable, ils ne s'illustrent guère. Et parmi ces messieurs, c'est l'usage commun de prendre un nom de terre ou de s'en forger un. Votre nom, maintenant, c'est donc... De l'empiré. Et j'en oserais bien garantir la durée. De l'empiré. Oui, da. N'ayant sur l'horizon ni feu ni lieu qui puisse allonger votre nom, et ne possédant rien sous la voûte céleste, le nom de l'enveloppe est tout ce qui vous reste. Je me laisse entraîner chez monsieur Francaleux par un impertinent que je connaissais peu. C'est lui qui me présente, et dupe du manège, je sers de passeport aux fats qui me protègent. On tenait table encore, on se sert pour nous. La joie, en circulant, me gagne ainsi que tous. Je la sens, j'entre en verve, et le feu prend aux poudres. Il part de moi des traits, des éclairs et des foudres. J'ai le vol si rapide et si prodigieux qu'à me suivre, on se perd après moi dans les cieux. Et c'est là qu'à grand cri, je reçois des convives ce nom qui va du peindre enrichir les archives. Qui va nous appauvrir à coup sûr, tous les deux. Ensuite, un équipage est commode et pompeux. costume roule en un quart d'heure à ce lieu de plaisance où je ris, chante et bois, le tout par complaisance. Par complaisance, soit. Mais vous ne savez pas. C'est quoi? Pendant qu'au champ vous prenez vos ébats, la fortune à la ville en est un peu jalouse. Monsieur Baliveau, hein? Votre oncle de Toulouse, après, est à Paris. Il irait. Fort bien. Sans croire, sans vouloir que vous en sachiez rien. Pourquoi donc me le dire? Ah, quelle indifférence. Et rien n'est-il pour vous de plus de conséquences? Un oncle riche et vieux dont votre sort dépend, qui du bien qu'il vous veut, sans cesse, se repent, prétendant sur son goût régler votre génie, de vos diables de verre, détestant la manie, et qui depuis 5 ans bien compté, Dieu merci, pour faire votre droit, vous vous pensionne ici. Attendez-vous, monsieur, à d'horribles tempêtes. Il vient incognito pour voir où vous en êtes. Peut-être il sait déjà que vous donnant l'essor, vous avez pris ici d'autres licences encore que celles qu'il craignait, et que dans vos rubriques, vous nommez entre vous licences poétiques. Oh, monsieur, redoutez son indignation. Vous aurez encouru l'exédération. Ce mot doit vous toucher, ou votre âme est bien dure. Mondor porte ses vers à l'auteur du Mercure. Beau fruit de mon sermon. Digne du sermonneur. Et que doit nous valoir ce papier? De l'honneur. Bon. De l'honneur. Tu crois que je dis des sornettes? C'est qu'on n'a point d'honneur à mal payer ses dettes, et qu'avec celui-ci, vous les paierez très mal. Un valet d'honneur est un sot animal. Et fais ce qu'on te dit. Aussi, ne vous déplaise. Vous en parlez, monsieur, un peu trop à votre aise. Vous avez les plaisirs, et moi tout l'embarras. Vous et vos créanciers, je vous ai sur les bras. C'est moi qui les écoute, et qui les congédie. Je suis là de jouer pour vous la comédie. J'abandonne le rôle. Il ne veut plus mentir, pour moi plein désormais d'un juste repentir. Viennent baigneurs, marchands, tailleurs, hôtes, aubergistes, que leur courne vous talonne et vous suive à la piste. Tirez-vous-en tout seul, et voyons une fois. Tu me rapporteras le mercure du mois, entends-tu? Trouvez bon aussi que je revienne environné des gens que je vous nomme. Amen. Vous pensez rire? Non. Vous verrez. Je t'attends. Ah, bien. Vous en allez avoir le passe-temps. Et toi, celui de voir des gens comblés de joie. Libérez-vous? Sans doute. Et de quel manoir? Ne t'embarrasse pas. Ouais. Serait-il enfant? Arrangeons-nous déjà sur ce que nous devons. Morbleu, c'est pour m'apprendre à peser mes paroles. Au répétiteur. 30 ou 40 pistoles. À la lingère. À l'hôte, au perruquier. Autant. Au tailleur. 80. À l'aubergiste. 100. À toi. Monsieur. Combien? Monsieur. Parle. J'abuse. De ma patience. Oui, je vous demande excuse. Il est vrai que le zèle a manqué de respect, mais le passé rendait l'avenir très suspect. Cent écus, supposons. Plus ou moins, il n'importe. Ça, partageons les prix que dans peu je remporte. Les prix? Oui. De l'argent, de l'or qu'en lieu divers, la France distribue à qui fait mieux les vers. À Paris, à Rouen, à Toulouse, à Marseille, j'ai concouru partout, partout j'ai fait merveille. Si bien que Paris paiera donc le loyer, Rouen le maître en droit, Toulouse le barbier, Marseille la lingère, et le diable mes gages. Tu doutes qu'en tout lieu j'emporte les suffrages? Non, ne doutons de rien. Et sur un fonds meilleur, n'hypothéquez-vous pas l'auberge et le tailleur? Sans doute, et sur un fonds de la plus noble espèce, le théâtre français donne aujourd'hui ma pièce. Le secret m'est gardé. Or, un acteur et toi, personne au monde encore ne sait qu'elle est de moi. Ce soir même, on la joue. En voici la nouvelle. Mon talent à l'Europe aujourd'hui se révèle. Vers l'immortalité, je fais les premiers pas. Cher ami, que pour moi ce grand jour pas. Autre espoir. Chimérique. Une fille adorable, rare, célèbre, unique, habile, incomparable. C'est incomparable, après, qu'espérez-vous? Aujourd'hui triomphant, demain j'en suis l'époux. Demain... Oh. Où vas-tu donc, mon d'or? Chercher un maître. Et pourquoi tout à coup suis-je indigne de l'être? C'est que l'air est, monsieur, un fort saut aliment. Qui te veut nourrir d'air? Es-tu fou? Nullement. Pourquoi tu n'es pas sage? Quoi, tu te révoltes à la veille, que dis-je, au moment des récoltes? De tes gages, déjà le paiement est certain. Ce soir, une partie et l'autre après-demain. En bonne opinion, vous êtes un rare homme. Et sur cet oreiller, vous dormez un bon somme. Mais un coup de sifflet peut vous réveiller. Bah! L'embarras où je suis mérite un peu d'égard. Une pièce affichée, une autre dans la tête, une où je joue, une autre à lire toute prête. Voilà de quoi sans doute avoir l'esprit tendu. Dites, un héritage et bien du temps perdu. L'heureux tempérament. Ma joie en est extrême. Gai, vif, aimant à rire. Enfin, toujours le même. C'est que je vous revois. Oui, mon cher Baliveau, embrassons-nous encore. Et que tout de nouveau, de l'ancienne amitié, ce témoignage éclate. La séparation n'est pas de fraîche date, convenez-en. Pendant l'intervalle écoulé, la part qu'à la sourdine a diablement filé. En auriez-vous l'humeur moins gaillarde et moins vive? pour moi, je suis de tout. Joueur, amant, convive, fréquentant, fêtoyant les bons faiseurs de verre. J'en fais même comme eux. Comme eux? Oui. Quel travers. Pas tout à fait comme eux, car je les fais sans peine. Aussi me traitent-ils de poète à la douzaine, mais en dépit de tous, ma muse en tapinois se fait dans le mercure applaudir tous les bois. Comment? J'y prends le nom d'une basse bretonne. Sous ce voile étranger, je ris, je plais, j'étonne. Et le masque femelle agaçant le lecteur, de tel qui m'a raillé fait mon adorateur. Il est devenu fou. Lisez-vous le mercure? Jamais. Tant pis, morbleu, tant pis, bonne lecture. Lisez celui du mois. Vous y verrez encore comme on dépend d'un fou, je m'y donne l'essor. Je ne sais pas qui c'est, mais le Benet s'amuse. Jusque-là qu'il me nomme une dixième muse et qu'il me veut pour femme avoir absolument. Moi, j'ai par un sonneur et passe également. Je goûte à ce commerce un plaisir incroyable. Et vous ne trouvez pas l'aventure impayable? Ma foi, je n'aime point que vous ayez donné dans un goût pour lequel vous étiez si peu né. Vous, poète? Eh, bon Dieu, depuis quand? Vous? Et moi-même, je ne saurais vous dire au juste le quantième. Dans ma tête, un beau jour, ce talent se trouva, et j'avais 50 ans quand cela m'arriva. Enfin, je veux chez moi que tout chante et tout rit. L'âge avance et le goût avec l'âge varie. Je ne saurais fixer les temps ni les désirs, mais je fixe du moins chez moi tous les plaisirs. Aujourd'hui, nous jouons une pièce excellente. J'en suis l'auteur. Elle a pour titre l'indolente. Ridicule, jamais ne fut si bien daubé. Et vous êtes pour rire, on ne peut mieux tomber. Ne comptez pas sur moi. J'ai quelque affaire en tête qui ne ferait chez vous de moi qu'un trouble fait. Et quelle affaire encore? Un diable de neveu me fait par ses écarts mourir à petit feu. C'est un garçon d'esprit d'assez belle apparence, de qui j'avais conçu la plus haute espérance. J'en fis l'unique objet d'un soin tout paternel, mais rien ne rectifie un mauvais naturel. Pour achever son droit, n'est-ce pas une honte? Il est depuis 5 ans à Paris, de bon compte. J'arrive, je le trouve encore au premier pas, endetté, vagabond, sans ce qu'on ne sait pas. Ne pourrais-je obtenir, pour peu qu'on me seconde, un ordre qui le mette en lieu qui m'en réponde? Ne connaissant personne et vous sachant ici, je venais... Vous aurez cet ordre. Grand merci. Mais plaisir pour plaisir. Pour vous, que puis-je faire? Dans la pièce du jour, prendre un rôle de père. Un rôle? À moi? Sans doute à vous. C'est tout de bon? Oui. N'êtes-vous pas bien de l'âge d'un barbon? Soit, mais... Vous en avez les dehors. Je l'avoue. Assez l'humeur. Que trop. Et tant soit peu l'amour. Avec raison. Et puis le rôle n'est pas fort. Quel qu'il soit, j'y répugne. Il faut faire un effort. Et fi, que dirait-on? Que voulez-vous qu'on dise? Un capitaux. Eh bien! La gravité. Oh, sottise. Ma noblesse, d'ailleurs. Vous n'êtes pas connu. D'accord. Tenez! Tenez! Quoi? Je serai venu... Pour recevoir ensemble et rendre un bon office. Je vois bien qu'il faudra qu'à la fin j'obéisse. Mon coquin paiera donc. Oui, oui, j'en suis garant. Demain, on vous le coffre au Faubourg Saint-Laurent. Il faudra commencer par savoir où le prendre. Dans son lit. C'est bien dit, s'il lui plaît de s'y rendre, mais son hôte ne sait ce qu'il est devenu. On saura bien l'avoir après l'ordre obtenu. Adieu, car il est temps de vous mettre à l'étude. Je vais donc m'enfoncer dans cette solitude et là, gesticulant et braillant tout le sou, faire un apprentissage en vérité bien fou. Moi, je fais l'oncle. Et toi, Lisette, es-tu contente? Tu voulais un beau rôle et tu fais l'indolente. Reste à s'en bien tirer. Ma fille est sous tes yeux. Tâche à la copier. Tu ne peux faire mieux. Le modèle est parfait. N'en soyez pas en peine. Je veux lui ressembler au point qu'on s'y méprenne. J'ai d'abord un habit en tout pareil au sien. J'ai sa taille, j'aurai son geste et son maintien. Enfin, je veux si bien représenter l'idole qu'elle se reconnaisse à la fadeur du rôle, et comme en un miroir, s'y voyant trait pour trait, que l'insipidité l'en dégoûte à jamais. Car, monsieur, excusez, mais vous et votre femme, vous avez fait un corps où je veux mettre une âme. Il fera donc fort bien de la morigéner, qu'elle sache connaître, applaudir, condamner. Ma fille est riche et belle. En un mot, je la donne au premier qui lui plaît. Je n'accepte personne. Pas même le poète? Au contraire! C'est lui que je préférerais à tout autre aujourd'hui. Je ne le crois pas riche. Eh bien, j'en ai de reste. J'aurais fait un heureux ces passe-temps célestes, favorisant ainsi l'honnête homme indigent. Le mérite une fois aura valu l'argent. Je vois dans ce choix libre un contretemps à craindre qui rendrait votre fille extrêmement à plaindre. Et quelle? C'est que son choix pourrait tomber très bien sur telle qui, sur une autre, aurait fixé le sien. Et pour lors, il serait moins aisé qu'on ne pense de ramener son cœur à de l'indifférence. Tu parles juste. Aussi, j'ai pris soin de savoir l'histoire de tous ceux qu'ici j'ai voulu voir. Et celle du jeune homme à qui l'on donne un rôle, la savez-vous? Oh, dites à propos que le drôle... J'en avertis, il est fort amoureux. Pour ne pas nous jeter dans un cas dangereux, très positivement, songez donc à l'exclure. J'y cours tout de ce pas, tu peux en être sûr. Et vais, à la douceur, joignant l'autorité, laisser un libre choix, ce jeune homme excepté. Je ne t'interromps point. Bien malgré vous, je garde. Non, j'écoute, j'admire et je me tais. Courage! Vous vous trouverez bien de n'avoir point parlé. En effet, me voilà joliment installé. Installé? Tout des mieux, j'en réponds. Quelle audace! Quoi, tu peux sans rougir me regarder en face? Pourquoi donc, s'il vous plaît, baisserai-je les yeux? Après l'exclusion qu'on me donne en ces lieux? C'est le coup de maître! Il est bon, là! Sans doute, ne décidons jamais où nous ne voyons goutte. De grâce, fais-moi voir. Oh, qui va rondement, ne daigne pas entrer en éclaircissement. Mais cette exclusion, que veux-tu que j'en pense? Tout ce qu'il vous plaira, je hais la défiance. Encore! À quoi d'heureux peut-elle préparer? À vous tirer du fer, à vous faire adorer. Tel est le cœur humain, surtout celui des femmes. Un ascendant mutin pénètre dans nos âmes pour ce qu'on nous permet, un dégoût triomphant et le goût le plus vif pour ce qu'on nous défend. Mais si cet ascendant se taisait dans Lucile? Oh, que non! L'indolence est toujours indocile. Et telle qu'est la sienne, à ce que j'en puis voir, la contrariété seule peut l'émouvoir. Ce n'est pas même assez des défenses du père si je ne les seconde en duègne sévère. Eh bien, les yeux fermés, je m'abandonne à toi. Défense encore d'oser lui parler avant moi. Oh, c'est aussi trop loin, pousser la patience. Dans un quart d'heure au plus, je vous livre audience. Dans un quart d'heure? Au plus. Promenez-vous là-bas. Tenez, dans un moment, je vous conduirai ses pas. La voici. Partez donc, laissez-nous. Quel supplice. Désirez-vous ou non qu'on vous rende service? L'éviter. Ou tout perdre. Oh, que c'est un regret. Voilà, mademoiselle, un cavalier bien fait. Il prend peu garde. Aimable autant qu'on le peut être. Tu le dis, je le crois. Vous semblez le connaître. Je l'ai vu quelquefois au parloir. Sans plaisir. Ni chagrin. Si j'avais, comme vous, à choisir, celui-là, je l'avoue, aurait la préférence. La multitude augmente en moi l'indifférence. Je hais de ces galants le concours important et tu ne verras pas que j'en regarde aucun. Quoi? Sans yeux pour eux tous? On vous fera des dires. Si j'en ai, ce sera pour un seul. C'est-à-dire qu'en faveur de ce seul, votre cœur se résout et que le choix en est déjà fait? Pas du tout. Je ne le veux choisir, ni ne le connais même. Mon père le désigne. Il défend que je l'aime, j'obéirai. Je sais le devoir d'un enfant, nous n'oserions aimer lorsqu'on nous le défend. Oh non! Mais devait-on, sachant mon caractère, m'embarrasser l'esprit d'une défense austère? En effet! Exigée par-delà ma froideur et de l'obéissance, où m'eût suffi l'humeur. Ça pique! Voyons ce conquérant terrible pour qui l'on craint si fort que je ne sois sensible. La curiosité me fera succomber, et sur lui seul, enfin, mes regards vont tomber. On vous l'aura donc bien désigné, lequel est? C'est celui qui jouera l'amoureux dans la pièce. C'est celui qui jouera? Quel air d'austérité! Mademoiselle, point de curiosité! C'est bien innocemment que j'ai pris la licence de vous insinuer la désobéissance. Qu'est-ce à dire? Oubliez ce que je vous ai dit. Quoi? Vous venez de voir celui dont il s'agit. Ma préférence était un fort mauvais précepte. Que me dis-tu? C'est là celui que l'on excède? Lui-même! Rendez grâce à l'inattention qui ferme à votre cœur à la séduction. Vous gagnez tout au monde à ne le pas connaître. Le devoir eut peine à se rendre le maître. Et sûr de l'aveu d'un père complaisant, vous n'eussiez pas remis le choix jusqu'à présent. Mille choses de lui maintenant me reviennent, qui véritablement engagent et préviennent. Ce que depuis un mois, de lui, vous avez lu, témoigne assez combien son esprit vous est plu. Quoi? Ces vers que je lis, que je relis sans cesse, sont les siens. Quel esprit, quelle délicatesse, de plaisirs et de jeux, quel mélange amusant, que sous des traits si doux l'amour est séduisant. L'auteur veut plaire et plaît sans doute à quelque belle à qui l'on doit le feu dont sa plume étincelle. C'est ce qu'apparemment votre père en conclut et la raison qui fait que son ordre l'exclut. Il craint que vous n'aimiez la conquête d'une autre. D'une autre. Mais j'y songe. Et s'il était la vôtre? Vous riez, et moi non. C'est donc plus sérieux. Les vers étaient pour vous. J'ouvre à présent les yeux. Oui, je vous reconnais trait pour trait dans l'image de celle à qui s'adresse un si galant hommage. Je remarque en effet. Prenons par ce chemin. Monsieur de l'Empyrée approche un livre en main. On m'a pour le choisir presque tyrannisé, et mon âme jamais n'y fut moins distraite. Ce préliminaire est, je crois, suffisant et dorant. S'il veut, peut traiter. À présent. Vous êtes Et j'ai un rival ici, qui disparaît. S'il me plaît. Plaise ou non, tu n'es plus ta maîtresse. Comment? Tu m'appartiens. Et de quel droit encore? Lucille est ta amie, donc Lisette à Mondor. Lucille à ton maître? Oh, tout bon, j'en appelle. Il ne lui manque plus que l'aveu de la belle, celui du père est sûr, à tout ce que j'entends. La belle avance. Écoute. Oh, je n'ai pas le temps. Divine inconnue. Oui, céleste bretonne, possédez seul un cœur que je vous abandonne. Sans la fatalité de ce jour où mon front ceint le premier laurier ou rougit d'un affront, je désertais ces lieux et volais où vous êtes. Je ne m'étonne plus si nous payons nos dettes. Entre 20 prétendants, on vous donne le beau. Et vous avez pour vous, monsieur, l'air du bureau. Si, comme je le crois, ma pièce est applaudie, vous êtes la puissance à qui je la dédie. Vous êtes un esprit que la France admira, j'en use un qui vous plut, l'univers le saura. Qui te savait là, dis. Maugrebleu du geste. Tu m'écoutais? Eh bien, raille, blâme, conteste, dis encore que mon art ne sert qu'à m'éblouir. Tu vois, je suis heureux. Puisque sage. À Twir, je ne me repaissais que de vaines chimères. Votre bonheur tout franc ne se devinait guère. Par un sot comme toi. Mon Dieu, pas tant d'orgueil. Vous ne pouviez manquer d'être vu de bon œil. Vous trouvez un esprit de la trempe du vôtre, et vous n'eussiez jamais réussi près d'une autre. De pas une autre aussi, je ne me soucierais. Celle-ci seule a tout ce que je désirais. De ma muse, elle seule, épuisant les caresses, me fait prendre congé de toutes mes maîtresses. Il faudrait en avoir pour en prendre congé. Je ne te parle aussi que de celle que j'ai. Vous n'en eûtes jamais. J'ai de bons yeux, peut-être. Un valet veut tout voir, voit tout, et sait son maître, comme à l'observatoire un savant sait les cieux. Et vous-même, monsieur, ne vous savez pas mieux. Pas tant d'orgueil toi-même, ami. Va, tu t'abuses. En fait d'amour, le cœur d'un favori des muses est un astre vers qui l'entendement humain dresserait d'ici-bas son télescope en vain. Sa sphère est au-dessus de toute intelligence. L'illusion nous frappe autant que l'existence. Et par le sentiment suffisamment heureux, de l'amour seulement nous sommes amoureux. Ainsi le fantastique a droit sur notre mage et nos feux pour objet ne volent qu'une image. Monsieur, à ma portée, ajustez-vous un peu. Et de grâce, en français, mettez-moi cet hébreu. Volontiers. Imagine une jeune merveille, élégance, fraîcheur et beauté sans pareil. Je n'ai jamais vu cet objet plein d'appât. Parbleu, je le crois bien, puisqu'il n'existait pas. Et vous l'aimiez? Très fort. D'honneur? À la folie. Une maîtresse en l'air et qui n'eût jamais vu? Oui, je l'aimais avec autant de volupté que le vulgaire en trouve à la réalité. La réalité même est moins satisfaisante. Sous une même forme, elle se représente, mais une iris en l'air en prend mille en un jour. La mienne était bergère et nymphe tour à tour, brune ou blonde, coquette ou prude, fille ou veuve, et comme tu crois bien, fidèle à toute épreuve. Monsieur, parlez tout bas. Et par quelle raison? C'est qu'on pourrait vous mettre aux petites maisons. Cet amour, il est vrai, me parut un peu vide, et je ne pus tenir à la part du solide. Je répudiais donc la chimérique hérisse. D'une beauté palpable, enfin, je fus épris. J'ai chanté celle-ci sous le nom d'Uranie. Ah, que j'ai bien pour elle exercé mon génie, et que de tendres vers consacrent ce beau nom. Et je n'ai pas plus vu l'une que l'autre. Non, la fierté, la naissance et le rang de la dame renfermaient dans mon cœur le secret de ma flamme. Que celle-ci, mon dor, a de grâce et d'esprit. C'est qu'elle aime les vers, et cela vous suffit. C'est qu'elle en fait des mieux tournées du monde. Pour moi, ce qui m'en plaît, c'est la source féconde où nous allons puiser désormais les ducats. Les ducats, c'est de quoi vous faites peu de cas. L'un de nous deux a tort. Mais qu'à cela ne tienne, aura tort qui voudra, pourvu que l'argent vienne. Enfin, tu conçois donc, on en saura gagner. Le bonhomme du moins ne veut pas l'épargner. Le bonhomme? Oui, monsieur. Si vous êtes son gendre, monsieur de Francaleux dit, à qui veut l'entendre, qu'il rendra là-dessus votre bonheur complet. Extravagant-tu? Non, auprès d'honnête valet. Et qui diable te parle en cette circonstance de monsieur Francaleux, ni de son alliance? Bon, ne voilà-t-il pas encore un quiproquo? De qui parlez-vous donc, monsieur? D'un prodige qui doit aider de mes lumières, effacer quelques jours l'illustre des houlières, d'une fille à laquelle est uni mon destin. Où diantre cette fille? À Quimper, Corentin. À Quimper? Oh, ce n'est pas un bonheur lié, celui-ci. L'espérance est saine et bien fondée. La bretonne adorable a pris goût à mes vers. 12 fois l'an, sa plume en instruit l'univers. Elle a 12 fois l'an, réponse de la nôtre. Et nous nous encensons tous les mois l'un et l'autre. Où vous êtes-vous vu? Nulle part, à quoi bon? Et vous l'épouseriez? Sans doute, pourquoi non? Et si c'était un monstre? Oh! tais-toi, tu m'excèdes. Les personnes d'esprit sont-elles à mes aides? Oui, mais répondra-t-elle à votre folle ardeur? Je suis assez instruit par notre ambassadeur. Et quel est l'intrigant d'une telle aventure? Le messager des dieux lui-même, le Mercure. Oh, oh, bel entrepôt vraiment pour coqueter. Tiens, lis dans celui-ci que tu viens d'apporter. Sonnet de Mademoiselle Mériadec de Kerzic de Quimper en Bretagne à Monsieur 5 étoiles. Ton esprit aisément perce à travers tes voiles et voit bien que c'est moi qui suis les 5 étoiles. Saignez-vous celle-ci sous quelque objet présent? Lucille a par exemple un visage amusant. J'entends. Suivez, lorgnez, obsédez sa personne. Croyez voir et voyez en elle la Bretonne. C'est bien dit. Cette idée, échauffant mes esprits, n'emportera que plus de feu dans mes écrits. Le bon sens du maraud quelquefois m'épouvante. Molière, avec raison, consulte sa servante. On se peint dans l'objet présent et plein d'appât, l'objet qu'on idolâtre et que l'on ne voit pas. Aussi bien transporter du bonheur de ma flamme, déjà dans mon cerveau roule un épithalame, que devant qu'il soit peu, je prétends mettre au net et donner au mercure en paiement du sonnet. Cette solitude est paisible et touchante. J'y veux relire encore le sonnet qui m'enchante. Quelle tête! Il faut bien le pendre comme il est. Voyons ce qui naîtra de ce jeu qui lui plaît. L'assiduité peut, Lucille étant jolie, lui faire de Quimper, abjurer la folie. À cet aveu si tendre, avec quel sentiment que je viens d'appuyer les plus saints des serments, à tout ce que j'ai craint, madame, à ce que j'ose, à vos charmes enfin plus qu'à toute autre chose, reconnaissez que j'aime et réparez l'erreur d'un père qui m'exclut du don de votre cœur. J'obtiendrai son aveu, rien ne m'est plus facile, mais parmi tant d'amants adorables, Lucille, n'auriez-vous pas déjà nommé votre vainqueur? L'auteur seul de ces vers a si touché mon cœur, je l'avoue. Et pour lui, me va la déclarer. On nous écoute. C'est monsieur de l'Empyré. Lisons-les lui, ces vers, il en sera charmé. Est-ce lui, juste ciel ou moi, qu'elle a nommé? Venez, monsieur, venez, pour qu'en votre présence, nous discutions un fait de votre compétence. Il s'agit d'une idylle, j'ai quelque intérêt. Et vous nous en direz votre avis, s'il vous plaît. Madame, on fait grand tort à messieurs les poètes quand on les interrompt dans leur docte retrait. Laissons donc celui-ci rêver en liberté et détournons-nous pas de cet autre côté. Le plus grand tort, monsieur, que l'on puisse nous faire, c'est de priver nos yeux de ce qui peut leur plaire. Peut-on penser si bien étant seul dans ces lieux qu'étant avec madame, on ne pense encore mieux? Madame, je vous prête une oreille attentive. Rien ne me plaira tant, lisez. Et s'il m'arrive quelques distractions dont je ne réponds pas, vous ne l'imputerez qu'à vos divins appâts. Votre façon d'écrire, élégante et fleurie, vous accoutume au ton de la galanterie. Allons, messieurs, passons sous ce feuillage épais où, loin des importuns, nous puissions lire. Passons sous le hasard de leur perfidie. Voyons, il faut de près que je les étudie et que je sorte enfin de la perplexité la plus grande où peut-être on n'ait jamais été. Quelqu'un regrette bien les secrets confiés à ces tablettes-ci que je trouve à mes pieds. Épithalame. Ah, agent reconnaît le maître. J'y pourrais bien aussi développer un traître, lisons. Suis-je une fourbe? Ai-je trahi vos feux? Le seul qu'on veut exclure est-il si malheureux? Dès que je vous ai vu près d'aborder Lucille, je me suis éclipsée en confidente habile et je vous ai laissé le champ libre à l'instant. Eh bien, quelle nouvelle! En êtes-vous content? Oh, qu'elle est ravissante! Et que ce tête-à-tête achève de lui bien assurer sa conquête. Je l'aimais, l'idolâtrais, l'adorais, mais rien n'exprime mon état depuis cet entretien. Jusqu'au son de sa voix, tout me pénètre en elle. Son défaut me la rend plus piquante et plus belle, oui. Ce qu'en elle on nomme indolence et froideur redouble de mes feux la tendresse et l'ardeur. La dédaigneuse enfin s'est-elle humanisée? Je l'avais, ce me semble, assez bien disposée. Tu me vois dans un trouble. Vives en repos! Ses grâces m'ont charmé, mais non pas ses propos. A-t-elle avec rigueur fermé l'oreille au beau? Non, mais j'aurais voulu qu'elle en eût tenu d'autre. Quoi? Qu'elle eût dit? Monsieur, je suis folle de vous, je voudrais que déjà vous fussiez mon époux. Mais oui, c'est avoir l'âme assurément bien dure de ne pas abréger ainsi la procédure. Ayant fait de ma flamme un libre et tendre aveu, et promis d'agréer à Monsieur Francaleux, comme je témoignais la plus ardente envie d'entendre mon arrêt ou de mort ou de vie, elle m'a répondu, dirais-je avec douceur, l'auteur seul de ces vers a su toucher mon cœur. À ces mots, de sa poche, elle a tiré l'idylle dont le succès me rend de moins en moins tranquille. C'est qu'elle a cru parler à l'auteur? Je ne sais, mais elle a mis mon âme à de rudes essais. Elle a vu mon rival d'un œil de complaisance. Elle a lu, malgré moi, l'idylle en sa présence. C'était me démasquer. Sous cap, il en riait. Peut-être un homme à qui l'on me sacrifiait. Le serais-je en effet? Serait-ce lui qu'on aime? Me jouerais-il tous deux? Me jouerais-tu toi-même? Les honnêtes soupçons! Rendez grâce entre nous au cas particulier que je fais des jaloux. Sans les égards qu'on doit à leur tendre caprice, mon honneur offensé se ferait bien justice. L'auteur seul de ces vers a su toucher son cœur, dit-elle. Encore un coup, je n'en suis point l'auteur. Supposez qu'on l'a trompé, qu'elle me le croit. Où donc est encore là le grand sujet de joie? Je jouis d'une erreur et j'aurais souhaité une source plus pure à ma félicité. Un mérite étranger cause que l'on m'aime et je me sens jaloux d'un autre dans moi-même. Que la délicatesse est folle en ses excès. Eh, monsieur, faut-il regarder de si près? Qu'importe du bonheur, la source fausse ou vraie? Tout ce que j'entrevois de plus en plus m'effraie. Le bonheur du poète était encore douteux, mais il est mon rival et mon rival heureux. De Lucille, sans cesse, il contemple les charmes. Il se voit vain rivaux et n'en prend point d'alarme. À l'estime du père, il a le plus de part. Seul avec son valet, je te trouve à l'écart. Que te veut-il? Pourquoi s'enfuit-il à ma vue? Quels étaient vos complots? D'où vient paraître ému? Réponds! Tout bellement! Vous prenez trop de soin et c'est aussi pousser l'interrogat trop loin! Je t'épierai si bien aujourd'hui! Prends-y garde! Quelque part que tu sois, crois que je te regarde! Cependant, allons voir en les feuilletant bien si ces tablettes-ci ne m'instruiront de rien. Mes pieds, doucement! Ce serait une chaîne! Quoi qu'on soit sans reproche, on ne veut rien qui gêne! Oh, c'est peu d'être injuste. Il ose être importun. Aux trousses du fâche, je vais en lâcher un qui, s'attachant à lui, saura bien m'en défaire. Le voici justement. Qu'as-tu donc tant à faire avec ce cavalier qui ne semble chez moi s'être impatronisé que pour être avec toi? De tous nos entretiens, vous êtes seule la cause. Voyons un peu le tour qu'elle donne à la chose. Tout simple. Le jeune homme en fait vanter à tous certaines tragédies en six actes de vous, que l'on dit fort plaisantes et qu'il brûle d'entendre sans qu'il sache par qui ni trop comment s'y prendre. Et n'a-t-il pas l'ami qui me l'a présenté? Monsieur de l'Empire? Il aura plaisanté de caustique et de fat jouer les mauvais rôles et parler de beaux vers en pliant les épaules. On croirait quelque chose à son rire moqueur, le serpent a de l'envie à siffler dans son cœur. Oh, bien, bien, double joie en ce cas pour le nôtre. Mortifierait-le et satisferait l'autre. L'autre aussi bien m'a plu, comme il sera parti. Il a tout à fait l'air d'un homme de bon. Et d'ailleurs, il me prend dans mon enthousiasme. Je suis en train de rire et veux, malgré mon asthme, lui lire tous mes vers, sans en accepter un. Vous me déferez là d'un terrible importeur. Va-t'en me le chercher. Faites-en votre affaire. Je vais m'occuper d'un simple nécessaire. Il faut que je m'aide. Et pourquoi donc, Tito? Vous me représentez ici comme il faut. J'ose dès à présent mes habits de soubrette pour être, si les siens, plus libre et moins distrait. C'est pas bien avisé. Va, je me charge moi. Ah, c'est vous. Comment va la mémoire? Ma foi, quelque raisonnement que votre goût m'oppose, je hais bien la démarche où mon neveu m'expose. Pour s'y résoudre, il faut à cet original vouloir étrangement et de bien et de mal. Enfin, mon rôle est su. Voyons, que faut-il faire? Et moi, de mon côté, je songe à votre affaire. Cependant, soyez gais. Débutez seulement. Et vous serez bientôt de notre sentiment. De vos talents, à peine aurons-nous les prémices, que nous voulons vous voir un pilier de coulisses. Et quoi que vous disiez, vers un plaisir si doux, de la force du charme entraîné comme nous. J'ai vu ce charme en France opérer des miracles, nos palais devenir des salles de spectacle, et nos marquis chaussant à l'envi l'escarpin, représenter Hector, Canarelle, Crispin. Je ne le cache pas, malgré ma répugnance, une chose me fait quelque plaisir d'avance. C'est le parfait rapport, qui par un corps plaisant, se trouve entre mon rôle et mon état présent. Je représente un père austère et sans faiblesse, fils d'un fils libertin, gourmand de la jeunesse. Le vieillard, à mon gré, parle comme un cat, et je me réjouis de lui donner le ton. Celui qui fait le fils qui prend le mieux du monde, car nous ne jouons bien qu'autant qu'on nous seconde. Tout dépend de l'acteur mis vis-à-vis de nous. Si celui-ci venait répéter avec vous... Je voudrais que ce fût déjà fait. Hola ! Hé ! Que l'on aille chercher monsieur de l'Empire. Tenez, voilà par où le jeune homme entrera. Vous pouvez commencer sitôt qu'il paraîtra. Faites comme l'on fait aux choses imprévues. Soyez comme quelqu'un qui tomberait des nues, car c'est l'esprit du rôle. Et vous vous souvenez que vous vous trouvez, vous et ce fils né à né, l'instant précis qu'il sort ou d'une académie ou de quelque autre lieu que vous voulez qu'il fuit. Et qu'à cette rencontre, un silence fâcheux exprime une surprise égale entre vous deux. C'est un coup de théâtre admirable. et j'espère... Monsieur, voilà celui qui fera votre père. Il sait son rôle. Allons, observez-vous un peu. Et tout en vous voyant, commencez votre jeu. Comment diable ? À merveille, à miracle, courage. Personne ne jouera mieux que vous du visage. Vous avez joué, vous, la surprise assez bien. Mais le rire vous prend et cela ne vaut rien. Il faut être interdit, confus, couvert de honte. Je sens qu'ainsi que lui, votre aspect me démontre. C'est que lorsqu'on répète un tiers est important. Adieu donc. Aussi bien je fais languir quelqu'un. Monsieur l'homme accompli, qui du moins croyait l'être, prenez le son. Car voilà votre maître. Ah, Baliveau, bravo. Le sot événement. Ne plus revenir de mon étonnement. Je dis, on en fera une autre. Et vous êtes des nôtres. Heureux le lieu, l'instant, l'emploi qui nous rejoint. Raisonnons d'autre chose et ne plaisantons point. Le hasard a voulu... C'est qui paraît drôle. Est-ce vous qui parlez ou si c'est votre rôle? C'est moi-même qui parle. Et qui parle à Damis. Voilà donc ce que fait mon neveu dans Paris. Qu'a produit un séjour de si longue durée? Que veut dire ce nom, monsieur de l'Empire? Si est-il dans ton état d'aller ainsi vêtu? Dans quelle compagnie? En quelle école es-tu? Dans la vôtre, mon oncle. Un peu de patience. Imitez-moi. Voyez si je romps le silence sur 1000 questions qu'en vous trouvant ici. Peut-être suis-je en droit d'oser vous faire aussi. Mais c'est que notre rôle est notre unique affaire et que de nos débats, le public n'a que faire. Coquin, tu te ferais, vous, du contre-temps maudit! Monsieur, ce geste-là vous devient interdit. Nous sommes, vous et moi, membres de comédie. Notre corps n'admet point la méthode hardie de s'arroger ainsi la pleine autorité, et l'on ne connaît point chez nous de primauté. C'est à moi de plier après mon incartade. Répétons donc en paix. Voyons, mon camarade, je suis un fils. Géry, me voilà désarmé. Et vous, un père. Eh oui, bourreau, tu m'as nommé. Je n'ai que trop pour toi des entrailles de père, et ce fut le seul bien que te laissa mon frère. Quel usage en fais-tu? Conservis tous mes soins. À me mettre en état de les implorer moins. Mon oncle, vous avez cultivé mon enfance, je ne mets point de borne à ma reconnaissance. Et c'est pour le prouver que je veux désormais commencer par tâcher d'en mettre à vos bienfaits. Me suffira moi-même en volant à la gloire et chercher la fortune au temple de mémoire. Où la vas-tu chercher? Ce temple prétendu, pour parler ton jargon, n'est qu'un pays perdu où la nécessité de travaux consumés au sein du sot orgueil se refait de fumée. Et malheureux, crois-moi, fuis ce terroir ingrat, prends un parti solide et fais choix d'un état qu'ainsi que le talent, le bon sens autorise, qui te distingue et non qui te singularise, où le génie heureux brille avec dignité, tel qu'enfin le barreau l'offre à ta vanité. Le barreau. Protégeant la veuve et la pupille, c'est là qu'à l'honorable on peut joindre l'utile. Sur la gloire et le gain, établir sa maison et le devoir qu'à soi, sa fortune et son nom. L'avocat se peut-il égaler au poète? De ce dernier, la gloire est durable et complète. Il vit longtemps après que l'autre a disparu. Scarron même l'emporte aujourd'hui sur Patru. Que la fortune dont me soit mère ou marâtre, c'en est fait. Pour barreau, je choisis le théâtre. Pour client, la vertu. Pour loi, la vérité. Et pour juge, mon siècle et la postérité. Eh bien, porte plus haut. Ton espoir était vu, à ses beaux sentiments, les dignités sont dues. La moitié de mon bien remise en ton pouvoir, parmi nos sénateurs, s'offre à te faire asseoir. Ton esprit généreux, si la vertu t'est chère, si tu prends à sa cause un intérêt sincère, ne préférera pas la croyante en danger, l'effort de la défendre au droit de la juger. Non, mais d'un si beau droit, l'abus est trop facile, l'esprit est généreux et le cœur est fragile. Qu'un juge incorruptible est un homme étonnant. Du guerrier, le mérite est sans doute éminent, mais presque tout consiste au mépris de la vie, et de servir son roi la glorieuse envie, l'espérance, l'exemple, un je ne sais quel prix, l'horreur du mépris même inspire ce mépris. Mais avoir à braver le sourire ou les larmes, une solliciteuse aimable et sous les armes, tout sensible, tout homme enfin que vous soyez, sans oser être ému, l'avoir presque à vos pieds, jusqu'à la cruauté pousser le stoïcisme, je ne me sens point fait pour un tel héroïsme. De tous nos magistrats, la vertu nous confond, et je ne conçois pas comment ces messieurs font. La mienne donc se borne au mépris des richesses, à chanter des héros de toutes les espèces, à sauver, s'il se peut, par mes travaux constants, et leur nom et le mien des injures du temps. Infortuné, je touche à mon cinquième lustre sans avoir publié rien qui me rende illustre. On m'ignore, et je rampe encore à l'âge heureux où Corneille et Racine étaient déjà fameux. Quelle étrange manie! Et dis-moi, misérable, à de si grands esprits, te crois-tu comparable? Et ne sais-tu pas bien qu'au métier que tu fais, il faut ou les atteindre, ou ramper à jamais? Eh bien, voyons le rang que le destin m'apprête. Il ne couronne point ceux que la crainte arrête. Un démon triomphant m'élève à cet emploi. Malheur aux écrivains qui viendront d'après moi. Va, malheur à toi-même, ingrat, cours à ta perte. Qui veut s'égarer, la carrière est ouverte. Indigne du bonheur qui t'était préparé, rentre dans le néant dont je t'avais tiré. Mais ne crois pas que, prêt à remplir ma vengeance, ton châtiment se borne à la seule indigence. Cette soif de briller où se fixe tes vœux s'éteindra, mais trop tard, dans des dégoûts affreux. Va subir du public les jugements fantasmes, d'une cabale aveugle essuyer les bourrasques, chercher en vain quelqu'un d'humeur à t'admirer, et trouver tout le monde actif à censurer. Va des auteurs sans nom grossir la foule obscure, égayer la satire, et servir de pâture à je ne sais quel tas de brouillons affamés, dont les écrits mordants sur les quais sont semés. Que peut contre le roc une vague animée? Hercule a-t-il péri sous l'effort du pygmée? Jamais l'extravagance n'a-t-elle plus loin. Eh bien, tu braveras la honte et le besoin. Je veux que ton esprit n'en soit que plus rebelle et qu'au siècle futur, ta sottise en appel. Je me tais. Mais l'erreur est sujette au retour. J'espère triompher avant la fin du jour et peut-être la chance alors tournera-t-elle. Quoi? Vous seriez l'auteur de la pièce nouvelle que ce soir aux Français l'on doit représenter? Soyez donc le premier à m'en féliciter. Puisque vous le voulez, je vous en félicite. J'en augure une heureuse et pleine réussite. Cependant, gardez-vous de dire à Franck Halleux que de son bon ami vous êtes le neveu. Tout comme il vous plaira. Mais je vois avec peine que vous ne vouliez pas que je vous appartienne. J'ai de bonnes raisons pour en agir ainsi. J'obéirai, monsieur. J'y compte. Mais aussi, daignant de même entrer dans l'esprit qui m'anime, laissez-moi quelque temps jouir de l'anonyme pour goûter du succès les plaisirs plus entiers et m'entendre louer sans rougir. Volontiers. À demain, scélérat. Si jamais tu rimailles, ce ne sera morbleu qu'entre quatre murs. Il ne veut m'avouer qu'après l'événement. Nous nous sommes ici rencontrés plaisamment. La scène est théâtrale, unique, inopinée. Je voudrais, pour beaucoup, l'avoir imaginée. Mon succès serait sûr. Du moins, profitons-en. Et songeons à la coudre à quelques nouveaux plans. J'en ai plusieurs, voyons. Où sont donc mes tablettes? La perte, pour le coup, serait des plus complètes. Tout à l'heure, à la main, je les avais encore. Oh, je suis ruiné, j'ai perdu mon trésor. Nombre de canevas, deux pièces commencées, caractères, portraits, maximes et pensées, dont la plus triviale envers Alexandrin, au bout d'une tirade, lui fait battre des mains. Que je regrette, surtout à mon épithalame. Hélas, ma muse, au gré de l'espoir qui m'enflamme, dans un premier transport venait de l'ébaucher. Deux fois du même enfant pourra-t-elle accoucher? Oh, monsieur, secourez les muses attristées. Mes tablettes, là-bas, dans le bois, sont restées. Suivez-moi, cherchons-les, aidons-nous. Les voilà. Je ne puis exprimer le plaisir. Brisons-la. Vous me rendez l'espoir, le repos et la vie. Mon dessein n'est pas tel, car je vous signifie qu'il faut en ce logis ne plus vous remontrer et vous faire une affaire. On n'y jamais rentré. Une autre alternative. Un ami la propose. Ne puis-je, avant d'opter, en demander la cause? Le filaire ingénu sied mal à votre front. Et ce doute affecté n'est qu'un nouvel affront. C'est la pure franchise. En vérité, j'ignore. Quoi, monsieur? Que Lucille est celle que j'adore? Non, quand j'ai vu tantôt mes vers entre ses mains... Vous m'avez insulté, c'est de quoi je me plains. En quoi donc? Oui, c'est vous qui les lui faisiez lire. Moi? Vous! Je souffrais que je vous voyais rire. Parce que notamment la belle, malgré vous, révélait un secret dont vous étiez jaloux. Non, mais de la noirceur de cette âme cruelle et du plaisir malin de jouir avec elle de la confusion d'un rival malheureux que vous avez joué de concert tous les deux. C'est à quoi votre esprit depuis un mois s'occupe. Mais je ne serai pas plus jusqu'au bout votre dupe. Je veux de mon côté mettre aussi les railleurs, et votre épithalame ira servir ailleurs. Ah, ce mot échappé me fait enfin comprendre. Songez vite au parti que vous avez à prendre. Dorante, vous voulez temporiser en vain, renoncer à Lucille ou l'épée à la main? Opposons quelques flemmes aux vapeurs de la bile. La valeur n'est valeur qu'autant qu'elle est tranquille. Et je vois... Oh, je vois qu'un versificateur entend l'art de rimer mieux que le point d'honneur. J'en ai trop. À vous-même, un mot est plus grand. Je ne dirai plus, si vous l'entendez. C'est moi qui maintenant vous demande raison. Cependant, on pourrait nous voir de la maison. La place pour nous battre ici près est meilleure. Marchons. Oh, venez donc, monsieur. Depuis une heure, je vous cherche partout pour vous lire mes vers. À moi, monsieur? À vous. Votre esprit à l'envers. Vous désirez, dit-on, ce petit sacrifice. Et qui m'a près de vous rendu ce bon office? C'est Lisette. C'est vous qu'elle veut servir. Lui, il voudrait qu'on fût sourd aux ouvrages d'autrui. Loin de l'en détourner, c'est moi qui l'y convie. Je lis dans votre cœur et je vois votre envie. Vous dites bien l'envie, oui, c'est un envieux qui voudrait sur lui seul attirer tous les yeux. Mon ami par bonheur est là pour me défendre. Tantôt, je l'exhortais encore à vous entendre. Vous osez m'attester? Amour, songez si vous voulez à faire votre coup. On me voudrait pourtant t'assurer du contraire. L'idée est qu'il admire, il ne saurait mieux faire. Il croit m'échapper, mais... D'autant plus que monsieur a besoin maintenant d'un peu de belle humeur. Ah, quelque humeur qu'il ait, il faudra bien qu'il rie. Et pour cela, d'abord, je lis ma tragédie. Rien ne pouvait pour lui me dire plus à propos. Pourvu que les fâcheux nous laissent en repos. Dès que vous le pourrez songer à disparaître, je vous attends. Et vous, vous n'en voulez pas être? Je ne vous quitte point. Monsieur, excusez-moi, j'aime. Et c'est un état où l'on est guère à soi. Vous savez qu'un amant ne peut rester en place. Par la même raison. Laissez de grâce. Il en veut à ma fille. Et je serais charmé qu'il parvint à lui plaire et qu'il en fût aimé. Oh, parbleu qu'il vous aime et vous et vos ouvrages. Comme si nous avions besoin de ses suffrages. Le mien mérite peu que vous vous y teniez. Je serais trop heureux que vous me le donniez. Vous prodiguez à moi seul le fruit de tant de veilles. Moins l'assemblée est grande et plus elle adorait. Si vous vouliez pour lui différer d'un moment. Non, qui satisfait tôt, satisfait doublement. Et c'est le moins qu'on doive à votre politesse d'avoir bien voulu prendre un rôle dans la pièce. La mort de Bucéphale. Et où diable est-il? Comment? On me fuit? Ah, parbleu, ce sera vainement. Je cours après mon homme. Et s'il faut qu'il m'échappe, je me cramponne après le premier que j'attrape. Et bénévole ou non, dût-il ronfler debout, l'auditeur entendra ma pièce jusqu'au bout. À quoi bon dans le parc ainsi tourner sans cesse? Pirouetter, courir, voltiger. Mondeur. Qu'est-ce? Tu ne voyais pas? Quoi? Pour nous épier? Quand? Le voilà bien sous. Qui? Le très sûr et piquant. Quel? Quel? Qu'est-ce? Quoi? Quand? Qui? L'amant Lucille, que son mauvais démon ne peut laisser tranquille, Dorante. Eh bien, Dorante. Il nous a vus de loin, ainsi que tu croyais m'aborder sans témoin. Sous ce nouvel habit, du bout de l'avenue, qu'il ait cru voir Lucille ou qu'il m'ait reconnu, près de toi, l'un pour l'autre. Et surtout son dessein, semblant te mettre exprès une lettre à la main. Nous entrons dans le parc. Il nous guette, il pétille, il se glisse et nous suit le long de la charmille. Moi qui, du coin de l'œil, observe tous ses tours, je me laisse entrevoir et disparaît toujours. Dieu sait si le cerveau de plus en plus lui tête, tant qu'enfin je le plante au fond du labyrinthe où le pauvre jaloux, pour longtemps en défaut, peste et jure, je crois maintenant, comme il faut. Du reste, sait-il bien se tirer d'une affaire? Ceux qui l'ont séparé d'avec son adversaire disent qu'il s'y prenait en brave cavalier et pour un bel esprit qu'il est franc du collier. Il n'est sorte de gloire à laquelle il ne court. Le bel esprit en nous n'exclut pas la bravoure. D'ailleurs, ne dit-on pas tel Jean, tel patron? Et dès que je le sers, peut-il être un peloton? Voilà donc cet amour dont j'étais ignorante et que j'ai cru toujours un rêve de Dorante. Mon maître ne dit mot, mais à la vérité, ce combat-là tient bien de la rivalité. En ce cas, mon adresse, à tout fait. Ton adresse? Oui. J'ai, de sa conquête, honoré ta maîtresse. Celle qu'il recherchait ne me convenant pas, de Lucille, à propos, j'ai vanté les appâts, lui conseillant d'avoir souvent les yeux sur elle et de mettre un peu l'une et l'autre en parallèle. Il paraît qu'il n'a pas à négliger mes avis. Il se repentirait de les avoir suivis. Envers et contre tous, je protège Dorante. Gageons que, malgré toi, mon maître le supplante. Car étant né poète au suprême degré, Lucille va d'abord le trouver à son gré. Monsieur de Francaleux, déjà, l'aime et l'estime. Du père de Dorante, il n'est pas moins l'intime. Et je porte un billet à ce père adressé, qui après s'être battu sur l'heure, il l'a tracé. Sachant des deux vieillards la mésintelligence, il mande à celui-ci, selon toute apparence, prendre mes almanachs et tient pour assurer que le bonheur de l'autre est fort aventuré. Mais cet autre, avec qui je suis de connivence, a pris depuis un mois terriblement l'avance. J'ai vu pâlir Lucille au récit du combat. D'une tendre frayeur, le cœur encore lui bat. Lucille s'est émue, et c'est pour lui, te dis-je. Il a visiblement tout l'honneur du prodige. Depuis, ils se sont même entretenus longtemps et s'étaient séparés l'un de l'autre contents lorsque, dans cet esprit soupçonneux à la rage, ma présence équivoque a ramené l'orage. Mais le calme ne tient qu'à l'éclaircissement qui coulera ton maître à fond dans le moment. Je réponds de la barque, en dépit de Neptune. Songe donc à le portin poète, sa fortune. Telle gloire le peut couronner aujourd'hui, qui mettrait père et fille à genoux devant lui. De ce coup décisif, l'instant fatal approche. L'amour m'arrache un temps que l'honneur me reproche. Adieu! Que devant nous tout s'abaisse en ce jour, et que tous nos rivaux tremblent à mon retour. Telle gloire le peut couronner? J'ai beau dire, Dorante pourrait bien avoir ici du pire. Faisons la guerre à l'œil, et mettons-nous au fait de ce coup qui doit faire un si terrible effet. Lucille, redoublez de fierté pour Dorante. Vous n'êtes pas encore assez indifférente. Vous souffrez qu'il vous parle. Et je défends cela, tout net. Entendez-vous, ma fille? Oui, mon père. Oh, c'est quoi les bêtes? Eh bien, c'est moi, je tiens parole. lui ressemblais-je assez? Jouerais-je bien son rôle? L'œil du père s'y trompe. Et je conclus d'ici que bien d'autres, tantôt, s'y tromperont aussi. Admirez en effet comme elle lui ressemble. Quand commencera-t-on? Tout à l'heure, on s'assemble. Cependant, va chercher ta maîtresse et l'instruit des dispositions où tu vois que je suis. Si j'use une raison, maintenant j'en ai 30. Tu vois, mais t'as jamais de disgrâce qui est devant. La coquine le sert indubitablement et m'en a sur son compte imposé doublement. Sur quoi donc, s'il vous plaît, vous a-t-il fait querelle? Sur un malentendu pour une bagatelle. Ce procédé l'exclut du rang de vos amis. Quelques ressentiments pourraient m'être permis, mais je suis sans rancune. Et ce qui se prépare va me venger assez de cet esprit bizarre. Et ce que j'apprends encore lui fait bien moins d'honneur. Quoi donc? Qu'il est le fils d'un maudit chicaneur qui n'écoute en prière, avis ni remontrance. Depuis 10 ou 12 ans me plaide à toute outrance. Des sottises d'un père un fils n'est pas garant, mais le tort que me fait ce plaideur est si grand que je puis à bon droit haïr jusqu'à sa race. Ce procès me ruine en cette paperasse et dans le temps, les pas et les soins qu'il y faut, j'aurais été poète 11 ou 12 ans plus tôt. Sont cela, dites-moi, des pertes réparables? Le dommage est vraiment des plus considérables. Il faut que le public intervienne au procès et conclue avec vous à de gros intérêts. Et Dorante, n'a-t-il contre lui que son père? Pardonnez-moi, monsieur, il a son caractère. Je lui croyais du goût, de l'esprit, du bon sens, ce n'est qu'un étourdi. Cela tourne à tout vent, cervelle évaporée, esprit jeune et frivole, que vous croyez tenir au moment qu'il s'envole, qui me choque en un mot, et qui me choque au point que chez moi, sans ma pièce, il ne resterait point. Mais il le faut avoir, si je veux qu'on la joue. Et voilà trop de fois que mon spectacle échoue. À propos, ce bonhomme avec qui vous jouez, plaît-il? Que vous en semble? Excellent, avouez. Admirable. A-t-il l'air d'un père qui querelle? Hé, comme sa surprise apparaît naturelle. Attendez à juger de ce qu'il peut valoir que vous en ayez vu ce que je viens d'en voir. Il est original en ces sortes de rôles. Pour un mois avec nous, il faut que je l'enrôle. De l'humeur dont il est, j'admire seulement qu'il daigne se prêter à nous pour un moment. C'est que je l'ai flatté du succès d'une affaire. Tirons-en donc parti, tandis qu'à nous complaire et qu'à nous ménager, il a quelque intérêt. La troupe ne saurait faire un meilleur acquis. Si vous le souhaitez, c'est une affaire faite. Personne plus que moi, monsieur, ne le souhaite. Et personne, monsieur, ne peut mieux réussir. Que moi? Que vous. Par où daignez m'en éclaircir? Vous pouvez à la cour lui rendre un bon office. Plutôt au ciel, il n'y a rien que pour lui, jeune fils. Et de quoi s'agit-il encore, voyons un peu? Il veut faire enfermer un fripon de neveu, un libertin qui s'est attiré sa disgrâce en ne faisant rien moins que ce qu'on veut qu'il fasse. Oh, je le servirai, si ce n'est que cela. Et mon peu de crédit ira bien jusque-là. Non, non, laissez, parbleu, j'admire ma sottise. Quoi donc? J'en vais charger quelqu'un dont je m'avise. Ah, gardez-vous-en bien, s'il vous plaît. Et pourquoi? Quand je vous dis qu'on peut s'en reposer sur moi. C'est qu'avec celui-ci, l'affaire ira plus vite. Je serais très fâché qu'il en eût le mérite. Songez donc que ce soir, il aura mon billet, et que j'aurai demain la lettre de cachet. Mon Dieu, laissez-moi faire, ayez cette indulgence. Mais vous ne ferez pas la même diligence. Plus grande encore. Oh non! Que direz-vous pourtant si votre homme, ce soir même, est content? Ce soir? Ah, sur ce pied, je n'ai plus rien à dire. Mais comment ce temps-là pourra-t-il vous suffire? Je ne vous promets rien par-delà mon pouvoir. Vous promettez pourtant beaucoup. Vous allez voir, mais, monsieur, on dirait, à cette heure extrême, qu'à ce pauvre neveu, vous en voulez vous-même. Sans doute, et j'ai raison. L'oncle me fait pitié, et tout mauvais sujet mérite inimitié. Tenez, j'ai toujours eu l'amour de l'ordre en tête. Vous menez, par exemple, un train de vie honnête, vous, cela fait plaisir, mais n'étonnera pas, car vous me fréquentez, vous suivez mes pas. Des travers du jeune homme, un fou sera la cause. Aussi, l'ordre du roi, pour le bien de la chose, devrait faire enfermer, avec le libertin, tel chez qui l'on saura qu'il est soir et matin. Vous riez, mais je parle en père de famille. Que viens-tu m'annoncer? Que je me déshabille. Quoi? La pièce est au croc une seconde fois. Faute d'acteur? Tantôt il n'en manquait que 3, mais ma foi, maintenant c'est bien une autre histoire. Quoi donc? Vous n'avez plus d'acteur ni d'auditoire. Que dis-tu? Tout défile et vole vers Paris. Désertion totale. Oui, pour avoir appris que ce soir on y joue une pièce nouvelle dont le titre les pique et les met en cervelle. Oh, j'en suis. Leur presse et tous ont décampé contents de se retrouver ici pour le souper. Quelle rage, à quoi bon cette brusque sortie, comme s'ils n'eussent pu remettre la partie. Non, le sort d'une pièce est-il en notre main? Nous en voyons mourir du soir au lendemain, celle-ci peut n'avoir qu'une heure ou deux à vivre. Si nous la voulons voir, songeons donc à les suivre. Venez. J'augure mieux de la pièce que vous. D'ailleurs, ce qui se vient de conclure entre nous, de soins très sérieux, remplira ma soirée. Adieu donc, demeurez, monsieur de l'Empiré. Votre refus fait place à monsieur Baliveau, qui, dans l'art du théâtre, étant encore nouveau, ne sera pas fâché qu'on le mène à l'école. Qui plus est, son neveu l'occupe et le désole, et la pièce nouvelle est un amusement qui pourra le lui faire oublier un moment. Ouida sait bien s'y prendre. Un peu de hardiesse. Cet homme, si je crois, est l'auteur de la pièce, faisant qu'il se trahisse. Il en est un moyen. Vous risquez, en tardant, de ne trouver plus rien. Monsieur raisonnait juste, et votre attente est vaine, car la pièce est mauvaise et sa chute est certaine. Certaine? Oui, cet arrêt dut-il vous chagriner. Mademoiselle a donc le don de deviner? Non, mais c'est ce que mande un connaisseur en titre dont le goût n'a jamais erré sur ce chapitre. Et ce grand connaisseur dont le goût est si fin... ne croit pas que la pièce aille jusqu'à la fin. Je voudrais bien savoir sur quelle conjoncture. Sur ce qu'hier, chez lui, l'auteur en fit lecture. Chez lui? L'auteur hier? Oui, qu'a donc ce discours? Je ne suis pas sorti d'ici depuis 8 jours. Je le tiens. C'est Alcipe, oh, celui, je le gage... Nouvelliste effronté, suffisant personnage. Et n'a-t-il pas poussé l'impertinence extrême jusqu'à nommer l'auteur? Non, monsieur, c'est vous-même qui venez de tout dire et de vous déceler. Oh. Alcipe, en tout ceci, n'a rien à démêler. Moi seule, je m'en tais et je m'en remercie, vu le plaisir que j'ai de me voir éclairci. Lisette, de grâce, étourdie que je suis. Que voulez-vous de moi? Du secret. Je ne puis. Quelques jours seulement. Cela n'est pas possible. Et ne me faites pas ce déplaisir sensible. Laissez-moi recevoir un encens qui soit pur en cas de réussite, ainsi que j'en suis sûre. J'imagine un marché dont l'espèce est plaisante. D'un secret tout entier, la charge est trop pesante. Partageons celui-ci par la belle moitié. Tenez. Si vous tombez, je parle sans pitié. Si vous réussissez, je consens de me taire. Voilà pour vous servir tout ce que je puis faire. Et je n'en veux pas plus, car je réussirai. Oh, bien en ce cas-là, monsieur, je me tairai. Avec cette promesse où mon espoir se fonde, je vous laisse. Et m'en vais le plus content du monde. Le jaloux nous surprend. Le voilà furieux, car je passe à coup sûr pour Lucille à ses yeux. Avec cette promesse où mon espoir se fonde, je vous laisse et m'en vais le plus content du monde. Madame, on n'aura pas de peine à concevoir quelle était la promesse et quel est cet espoir. Mais ce que l'on aurait de la peine à comprendre, c'est que cette promesse est si douce et si tendre, reçue à la même heure et presque en même lieu, mot à mot, dans ma bouche, et mis le même adieu. Il faut vous en faire un de plus longue durée. Et dont vous vous teniez un peu moins honoré. Adieu, madame, adieu. Ne vous flattez jamais que je vous ai aimé autant que je vous ai. Donnons-nous à notre aise ici la comédie, car il va revenir. Monstre de perfidie. Pouvoir ainsi passer d'abord et sans égard des mains de la nature à ce comble de l'art. M'avoir peint ce rival comme le moins à craindre. M'avoir persuadé presque au point de le plaindre. Qu'avez-vous prétendu par cette trahison? Pourquoi, d'un vain espoir y mêlant le poison, me venir étaler d'obligeantes alarmes, me dire, en paraissant prête à verser des larmes, Dorante, où je fléchis mon père, où de mes jours à l'asile où j'étais je consacre le cours, quels étaient vos desseins? Répondez-moi, cruel, ne les dois-je imputer qu'à l'orgueil d'une belle, qui, jalouse des droits d'un éclat peu commun, veut gagner tous les cœurs et ne pas en perdre un? Ce reproche fut-il le seul que j'eusse à faire, mais hélas, malgré moi, la vérité m'éclaire. Repentez-vous ou non de m'avoir outragé, vous ne me verrez plus que mort ou que vengé. Dorant ! Je m'arrête au cri de l'infidèle. Elle tremble, il est vrai. Mais pour qui tremble-t-elle ? N'importe, je l'adore. Écoutons-la. Parlez ! Je veux encore. Je veux tout ce que vous voulez. Rejetons le passé sur l'inexpérience et redemandez-moi toute ma confiance. Un regard, un seul mot n'a qu'à vous échapper. Mon cœur vous aidera lui-même à me tromper. Ah, Lucille, ai-je pu si tôt perdre le vôtre? Vous me haïssez? Non. Vous en aimez un autre? Et non. Vous m'aimez donc? Oui. M'y fierai-je? Hélas. Eh bien, je n'en veux plus douter. Ne sais-je pas que l'infidélité, surtout dans la jeunesse, souvent est moins un crime au fond qu'une faiblesse, qui peut servir ensuite à vous en détourner lorsque la nôtre va jusqu'à vous pardonner? Je vous pardonne donc et même vous excuse. Lisette est contre moi. Lisette vous abuse. Ce sont ici des coups qu'elle seule a conduits. C'est elle qui me met dans l'état où je suis. Il est vrai. C'est assez. Mon âme satisfaite. Bien joué, non. dorante au genou de Lisette? Lui-même, et qui me fait fort joliment sa cour. Oh. On vous prend sur le fait, monsieur, à votre tour. Songez à bien jouer le rôle que je quitte, car vous ne voyez d'eux que votre faute irrite. Enfin, concevez-vous combien vous vous trompiez? Je croyais en effet, madame, être à vos pieds. Son habit m'a fait faire une lourde bévue. Madame, vous plaît-il que je vous restitue les fleurettes qu'avant d'embrasser mes genoux, monsieur me débitait, croyant parler à vous? N'en déplaise à l'amour, si doux dans ses peintures, je vous restituerai un beau torrent d'injures. Et quel autre à ma place eût pu se contenir? Je vous devais cela, monsieur, pour vous punir. Et quoi, Dorante, après mille et mille assurances qui tout à l'heure encore passaient vos espérances, le reproche et l'injure aigrissaient vos discours et sur le ton plaintif on vous trouve toujours. Avant que sur ce ton vous le preniez vous-même, vous qui savez, madame, à quel point je vous aime, souffrez qu'on vous instruise. Après quoi, décider si mes soupçons jaloux n'étaient pas bien fondés. Je surprends mon rival. Oui, j'ai tort de me plaindre. En effet, ma faiblesse autorise à tout craindre et l'aveu que j'ai fait trop naïf et trop prompt de votre défiance a mérité l'affront. Mais vous trouverez bon qu'en me faisant justice, cette justice même aussi nous désunisse et rompe entre nous deux un nœud mal assorti dont jamais on ne s'est assez tôt repenti. Entendons-nous de grâce. Encore un coup, madame, bien loin qu'en tout ceci je mérite aucun blâme. Croyez, si j'eusse pu ne me pas alarmer, que je ne serais pas digne de vous aimer. Devais-je voir en paix? Quand je vous prie, n'étant digne d'aimer qu'autant qu'on se défie. Ainsi, l'amour jamais doit n'être satisfait, et le plus soupçonneux est donc le plus parfait. Vos vers m'en avaient fait toute une autre peinture. Mais ce sujet pour moi de crainte et de rupture, j'aime trop mon repos pour le perdre à ce prix et ne jugerai plus des gens par leurs écrits. Mais ayez la bonté. La bonté m'a trahi. Vous feriez, je le vois, le malheur de ma vie. Je ne recueillerai de mes soins les plus doux que l'éclat scandaleux des fureurs d'un jaloux. Oh, que n'ai-je conservé, prévoyante et soumise, l'insensibilité que je m'étais promise. Lisette, je t'ai cru. Et toi seule, tu m'as... N'avez-vous point de honte? Ne m'accable pas, tu sais mon innocence. Apaisez vos alarmes, Lucille. Retenez ces précieuses larmes. C'est mon injuste amour qui les a fait couler. C'est lui qui, toutefois pour moi, doit vous parler. L'amour est défiant quand l'amour est extrême. Il se faut quelquefois défier quand on aime. C'est de tout ce qui peut, dans le cœur alarmé, soulever des soupçons contre l'objet aimé. Je tiens, vous le savez, cette sage maxime de ces vers qui vous ont mérité mon estime. De votre propre idylle, ouvrage séducteur où votre esprit se montre, et non pas votre cœur. Ni l'un ni l'autre. Il faut qu'enfin je le confesse, madame, et que je sais le remords qui me presse. Du moins, vous concevrez après un tel aveu pourquoi tout mon bonheur me rassurait si peu. C'est que je n'en jouis qu'à titre illégitime. C'est que tous ces écrits, source de votre estime, vous venez par mes soins, mais ne sont pas de moi. Ils ne sont pas de vous. Non. Ne sont hommes. Quoi? Laissant lire, il est vrai, dans le fond de mon âme, j'inspirais le poète en lui peignant ma flamme. Que son art, à mon gré, s'y prenait faiblement, et que le bel esprit est loin du sentiment, mais... Cet art vous amuse, il a fallu vous plaire, laisser dire des riens, sentir mieux et se taire. N'est-ce donc à l'esprit que votre cœur est dû, et ma sincérité m'aurait-elle perdue? Votre sincérité mérite qu'on vous aime, Dorante. Aussi pour vous suis-je toujours la même. Tel est enfin l'effet de ces vers que j'ai lus. J'étais indifférente et je ne le suis plus, et je sens que sans vous, je le serais encore. Vous ne vous plaindrez plus d'un cœur qui vous adore. Où vous établissez la paix et le bonheur et qui commence enfin d'en goûter la douceur. Bref, de beaux discours, il est temps que j'y pense. De par monsieur, exprès ses nouvelles défenses, de souffrir que jamais vous osiez nous parler. Il aura su mon nom. Oh, tu me fais trembler. Et même ici, quelqu'un peut-être nous épie. Séparez-vous. Rentrez, madame, je vous prie. Nous allons concerter un projet important. Rassurez-moi d'un mot encore en me quittant, où déjà mon espoir est tout près d'acceptable. De vos rivaux, du moins, vous n'avez rien à craindre. Mon père pourra bien, en ce commun danger, désapprouver mon choix, mais jamais le changer. Quelqu'un m'a desservi près de lui, je parie. Ne vous en prenez qu'à votre étourderie, qu'au brusque mépris dont vous avez heurté la rage qu'il avait tantôt d'être écouté. Oui, j'ai tort, je l'avoue. À présent, il peut lire, je l'écoute. Ou plutôt, sans cela, je l'admire. Et m'offre, en trouvant beau tout ce qui lui plaira, de me couper la gorge avec qui le niera. Ce n'est pas maintenant votre plus grande affaire. Songez à profiter d'un aveu salutaire. Pourriez-vous nous trouver de ces perturbateurs du repos du parterre et des pauvres auteurs contre les nouveautés signalant leur prouesse et se faisant un jeu de la chute des pièces? Que diable en veux-tu faire? Oui, pour un, j'en sais trois. Courez les ameuter pour aller au François. Sur ce qui se jouera, faire éclater l'orage. La pièce est de l'auteur qui vous fait tendre ombrage. Le père de Lucille y vient d'aller. Tu veux? Oh, j'en serais d'avis. Faites-le scrupuleux. Damis ne l'est pas tant, lui. Car à votre père, il a, de votre amour, écrit tout le mystère. Ça n'aura pas été pour vous servir, je crois. Et vous le voudriez ménager? Et sur quoi? Ces plaisants intérêts pour balancer les vôtres. Une pièce tombée, il en renaît mille autres. Mais Lucille, perdue, où sera votre espoir? Monsieur de Francaleu vous dit, je vais la voir. Il n'a déjà que trop ce bel auteur en tête. S'il le voit triompher, c'est fait, rien ne l'arrête. Il lui donne sa fille et croirait aujourd'hui s'allier à la gloire en s'alliant à lui. Oh, tu me fais frémir. Et des transes pareilles me livrent en aveugle à ce que tu conseilles. Ah, oh, monsieur l'auteur, avec votre air humain, vous endormez les gens, vous écrivez sous main, vous avez du manège et votre esprit superbe croit déjà sous le pied nous avoir coupé l'herbe. Un bon coup de sifflet va vous être lâché et vous savez alors quel est notre marché.